écouter, découvrir et faire du podcast en live, c'est Podren. Les 20 et 21 avril 2019, à Rennes. Venez découvrir le Festival du Podcast. L'entrée est gratuite. Inscription, programme et bien plus encore sur podren.fr. www.podren.fr. Bonjour et bienvenue pour ce premier apéro original. Des gens qui mangent des chips. On va manger des chips. T'entends ? Il y a une bière sur la table. Non, je tiens à Manus. Les cons entre potes et de s'enregistrer parce que c'est marrant. Alors ça, c'est très tordu mais bougrement intelligent. Merci, Inspecteur Gadget. Allez, viens. On est bien. Oh là, je suis bien. Oh, je bouge plus. Oh, je ne bouge plus. Oh, je bouge plus. Oh, je bouge plus. Oh. Salut à tous, ici Gasto en direct de podcast pour l'apéro original numéro 15. Avec beaucoup de monde autour de la table cette fois. Oui, trop de monde. Ouais, je vais faire un truc de bâtard, je vais pas les présenter. Ça c'est moi Gasto. Rembourser nos invitations. Ça sera des self-présentations lors de l'ouverture des bières. Ah, il est malin, c'est malin. C'est bougrement intelligent. Ça rythme. Donc au cours de cette émission, on va bien sûr déguster des bières comme d'habitude. On aura un dossier de Monsieur Péremptoire sur les légendes urbaines. Ça va être chiant. On aura nos magnifiques questions aux invités. Ah, bien sûr. Toujours. Ça va être long. Ça va être... J'ai hâte quand Flag va se poser une question à lui. On va voir bugger Flag en direct. Il va pas pouvoir répondre à ses propres questions. Ses propres questions con. Exactement. On aura un dossier de Gandalf. Alors, le titre du dossier étant Uncanny New Apéro Original versus Secret Lofocal Legacy. Oh, il y a X2. Ça me saoule déjà. X2, ouais, ça va être sur Terre 2. Ça me saoule déjà. Mais non, c'est juste on va parler de bière. Bien sûr, nous sommes diffusés sur Pod Radio. Oui. Consultez la grille des programmes pour les infos parce que ça change assez régulièrement. Qu'est-ce qu'on a comme autre info? On va être en janvier lors de la diffusion de cet épisode, donc on sera à 3 mois de Podren. Et bonne année déjà. Quoi? Bonne année. On se croirait dans une émission de Arthur. Ouais. Vous vous rappelez tout ce qui s'est passé le 31? Oh, je préfère même pas imaginer. Mais oui, le bug du 31, c'était dingue. Le bug, ouais, personne s'y attendait. Le bug de l'an 2019, 18 ans trop tard. C'est ça. Non, 19 ans. 19 ans trop tard. Donc, pas de problème. On a perdu une année en fait, c'est pour ça que c'est 18 ans trop tard. C'est ça. C'était fait exprès. Tout à fait exprès. Donc, pas de problème 2019 qui seront les 20 et 21 avril. 2019, l'adresse du coup c'est plus les Léon Lebert. 7 rue d'Espagne. 7 rue d'Espagne, j'ai pas encore retenu celle-là d'adresse. Donc on sera tout proche du métro a priori, c'est ça. Oui. Deux minutes à pied, même donc, pas. Donc encore plus près que. Que la fois d'avant. Si le feu est rouge, 2 minutes à pied. Il suffit juste de traverser la rue. Moi je suis. Ouais. Avec un grand parking pour laisser les voitures. Ouais. Exactement. Toutes les infos sur podren.fr. What? Podren.fr. Inscription gratuite mais obligatoire. Voilà. Bien sûr. Sous peine d'amende. Sous peine d'amende, exact. Payé par Gandalf. Pas trop. En fait, l'amende, c'est Gandalf qui paye. Qui vient deux jours chez vous. C'est ça. Oh putain, non. Moi, à votre place, je m'inscris. Ouais. Franchement. Dernier petit message de service, bien sûr, le petit code de Beemaker. Si vous souhaitez avoir 15% de réduction sur votre commande Beemaker, donc sur beemaker.fr, B-M-A-K-E-R K-E-R.fr avec le code apéro original. APERORIGINALE. Il n'y a pas de péremption. Je sais plus jusqu'à pourquoi la boule noire. Parce que j'ai envie, c'est moi. Jusqu'à prochain référendum. Je sais plus combien de temps il nous avait dit avant que ça expire. Il a dit qu'il dira. Il était pas valide, non, je crois. Non, ouais, c'est plus que ça, je crois. Deux plus, comme ça. On le dira à chaque fois. Chez Z. Ouais. Exactement. Donc on va pouvoir lancer les hostilités avec le c'est bien houblon. Enfin, pour conclure, je dirais que la règle numéro 1 dans un deal, c'est de ne jamais... Goûter ! On va goûter ! Pouah ! Allez, Paul ! Oh ! Ah, j'ai faim ! Ah, j'ai chaud ! Ah, j'ai soif ! Allez, non, vous fuyez, les gars ! Je vais commencer en faisant tourner le décapsuleur de la destinée à ma gauche, comme ça tu vas pouvoir montrer comment il faut faire. Parce que autour de la table, pas des flèches, hein, je veux dire. Alors, moi j'annonce tout de suite la couleur, ça va être une session la débauche. Et présente-toi aussi. Du coup, c'est moi, Zertov. Voilà. Sociétaire de l'apéro. Au carrefour de Saint-Ouen tous les mardis. C'est ça. 2 euros la passe. Voilà. Je peux passer 2 euros. Ah, bonjour. Moi, à ce prix-là, j'en prends 2. Hein. Donc, c'est une Blue Elite. La même. Donc, c'est une Blue Edit, donc c'est une stout aux framboises et au sel noir de Hawaii. Oh, Nature Mother. Faut dire Hawaii. Hawaii. Hawaii Nature Mother. Tahiti. Tahiti. Ah, moi, oui, en DVD. Ouais, c'est ça. Donc, c'est une stout à la framboise. Et la particularité en fait du sel noir de Hawaii, c'est que ça crépite un petit peu sur la langue. Ça crépite un petit peu. Ça pétille. Comme les pastilles, comment ça s'appelle déjà. Les Freddy Paddy. Freddy Paddy. Oui, Freddy Paddy. Voilà, ça doit être ça. Vous êtes moins de 40 ans. Si vous le dites. Selon le palais, en fait, ça a plus ou moins pétillé. Donc, passons au décapsulage. Vous avez une petite encoche. Voilà. Ici. Attends. Ah, ça s'appelle l'immoladier, mais... Attention, sinon ça va se risquer. Donc, je me mets ici comme ceci. Ça s'appelle l'immoladier. J'ai peur, ça va... Et je fais un mouvement... De balancier. Du haut, du bas... De bas vers le haut. Mais c'est magique. Voilà, c'est un levier, en fait. Je pense que ça s'appelle un levier. Ouais. Bref. De haut vers le bas, voilà. Façon leviétale, c'est un levier versé. De la façon levrétale. Ouh là là, belle couleur. Wow. Je crois que c'est du pétrole avec... C'est un peu liquoreux, hein, quand même. Ouais. Ma gorge, c'est un nom de nom. Du pétrole à la réglisse. Ouais, déjà, c'est du joli, je te vois pas à travers. Ouais. Ah. Un petit rupture. Et surtout, c'est la première bière qui fait un bruit de moteur. Parce qu'elle est faite avec de l'huile de moteur. C'est de l'huile de vidange, en fait. Team Bazout, trop important. Et moi, je passe à ma gauche. APP, nouveau sociétaire, enfin sociétaire pleinement officialisé voilà, pour cette session. Il a tout le verre, le jingle. Et la paye qu'il a avec. Enfin, une attestation employeur pour Pôle emploi. Oui, moi j'ai pris, alors moi je fonctionne beaucoup à l'étiquette, donc j'ai pris une bière qui s'appelle la First World Problems, parce que c'est un super nom. C'est une Belgian IPA à 6,2 et c'est mise en bouteille par Stuart Brewing. Loli, peut-être que tu connais, toi. Stuart Brewing. Stuart. Voilà, et j'aime beaucoup cette petite étiquette un petit peu... Très farce. C'était Roy Lichtenstein. Ça fait un petit peu générique des amours. C'est le générique des amours. C'est les amours, ben oui, les amours. Et voilà, donc j'ai frais de goûter ça. Alors moi, maintenant que je suis au chômage, tous les matins, les amours, Bruno Guillon. Et puis aussi... Motus. Mais j'ai le pouvoir. Motus, bah, Thierry Beccaro était sur la scène, il me semble. Bon, bref, je ferai un dossier spécial. Après un peu, quelques mois de chômage. Et je vais pouvoir inaugurer le verre du sociétaire que j'ai enfin avec moi. Pendant que je passe le décapsuleur à. Pas à ma gauche, parce que j'ai envie de casser l'océan. Ah, bah vas-y. Anna. Décapsuleur du destin. Waouh, ah, bien, je suis hyper honoré. Ah, ouais, j'ai quand même ouvert. En fait, il a même pas versé. Il était tellement dans le game. Anna, le décapsuleur du dessin. Alors, fou, je suis émue. Et moi, je révise mon dossier parce que je vais passer dans une demi-heure partie comme ça. Alors, bah, moi, j'ai une Amarillo d'un brasseur, à mon avis, vu comme c'est écrit, ça doit être, comment on appelle ça, le plat pays La Hollande. La Hollande, merci. C'est la Brouwerige de Bolène. La Brouwerige. Parce que j'ai pas l'accent. Brouwerige. Brouwerige de Molène. C'est une... bon, j'ai déjà bu des choses de... chez ce brasseur, c'est pour ça que j'ai choisi celle-là. C'est une IPA. Ça va vite. À Imperial est payé à 9,3, donc si je la bois en entier, je pense que je ne finirai pas cet épisode. Mais oui, après avoir... ça qu'on n'a pas forcément dit, des fois on décrit les étiquettes, si Sigourney Weaver y a droit ou autre. Alors, là, il n'y a pas. Là, il n'y a pas, ouais. Il me semble... Alors toi, et toi ouais, à Mario, non, je ne sais pas, parce que... Comment... Je crois que tu en as pris, tu appelles la Mario et la Luigi aussi. Voilà. Ah, c'est déjà trop long. Ça va être long. Voilà, donc je l'ouvre. Je vais écouter. Et ça, ferme. Le pchit. C'est petit pchit là, très bien. Et je la verse dans mon verre. Savoyard. De brasserie Savoyard, yes. La brasserie artisanale de Sabaudia. Au-dessus du fromage. Oh. Ce bière est fromage. Donc celle-là a une belle couleur ambrée. Elle ne fait pas beaucoup de mousse. Il y a trop d'alcool pour que ça puisse faire de mousse. Oulala, oulala, oulala, oulala, oulala, oulala, oulala, oulala, oulala, oulala, oulala, oulala. Le par féministe. La maîtrise. Le ménisque parfait. Et c'est là que juste en aspirant la mousse, elle est... Pum, voilà. C'est magnifique. Tu sais faire le soulagement. Oh merde. Alors je bats... Sauf à moi. C'est moi, je passe en dernier. Tu vas en dernier. Donc, eh bien, je passe à ma droite. Ah, oui, c'est cette droite-là, oui. Non, non, c'est t'avais pris les premiers coups. Eh bien, moi, j'ai pris une... j'adore Bulldog et c'est là que j'achète. Moi, je suis Randall Flagg. Voilà. Enfin, je crois. Oui, c'est il me semble. Donc, c'est une Jack Hammer qui est une Ruthless IPA. J'ai jamais goûté cette Bulldog et ça me faisait envie. Donc, on va décapsuler ça avec le décapsuleur du destin. La peur qui s'élue dans son regard pendant quelques instants. Voilà, avec les dents, moi, je l'ai ouverte. Donc nous allons verser ça dans un verre de la brasserie savoyarde. Quelle thématique. Wow. Signe du destin, coïncidence, je ne crois pas. Quels sont leurs réseaux? Quels sont leurs réseaux? Écoutez, ça m'a l'air très sympa. Qui sont-ils? Quels sont leurs réseaux? Ah ouais, c'est de l'IPA, il n'y a pas de doute. Il y en a aussi. J'y trouve un goût d'IPA. Et je passe le décapsuleur du destin à Jonjon le Magnifique. Oh, oh, merci. Jonjon, qui es-tu, Jonjon? Eh ben moi, c'est Jonjon. Jonjon, comment t'appelles-tu? J'aurais pas parié. Ma bière, c'est une bière artisanale qui est brassée dans les Landes, qui est visiblement bio. Non, la petite landaise, elle est axée à Castres. C'est même bonne. Une bière artisanale brassée dans les Landes, c'est la première chose qui est marquée dessus. C'est vrai? Ouais. Donc je me dis que potentiellement, elle est brassée dans les Landes. Ouais, ça semble logique. Hein. Moi, je crois qu'il y a un truc. C'est ce genre de Castres qu'il a fait, c'est pas ça. Ah, peut-être que Castres a été déplacé dans les Landes. Si tu chasser un épi de maïs dedans, c'est assez brassé dans les Landes. Donc c'est la brassée, la petite landaise, et c'est une rousse London Bitter. Ouais, brassée dans les Landes, la petite landaise, je pense qu'il a beau. Ouais, j'ai encore un doute, mais... Oui, une belle effervescence. Attention, elle monte. Ça va pas être la seule. On a bravo. Et elle tape à combien, celle-là? Il nous a ouvert pour 5,5. Ça va. Non, moi, c'est une belle couleur rousse. Déjà, elle tient sa première promesse. Et elle nous fait très envie. Magnifique. Maintenant, on va casser le cercle. Et je vais donner le joli décapsuleur à Miga. Waouh, quel honneur! Oh là là, ça va tellement me servir! Mais c'est fort gentil, j'apprécie l'attention! Donc, moi, c'est Musica, je squatte un peu tous les podcasts un peu de cette team-là. Et moi, je pense, je vais faire dans l'originalité, je vais boire un grand verre de Château La Pompe de Castres! Il n'y a pas de souci. Quelle année? Alors, elle tape à combien? 2019! Ah, oh, elle tape, oh, c'est un petit 5,5 degrés. Elle va décapsuler l'eau à 5 degrés, putain la vache! C'est de l'eau avec de la tequila dedans. Ah, c'est de l'eau qui sort du frigo. C'est ça. Ah, c'est ça casse tout. Alors, je fais le bruitage. Ça fait quoi? C'est pour être une canette d'eau. Mais... Attention, ça mousse. Oh, ouais. Ouh, quel service. Oh là là, tu sers de trop. On dirait que tu sers du thé glacé. Pas étonnant. J'ai pas peur du risque. C'est culturel, hein, en même temps. Et du coup, je vais passer à ma gauche, à Loli. Oui, bah c'est moi. Comment tu t'appelles, Loli? Bah, j'appelle Loli. Et toi, tu t'appelles comment, Flag? Alors, par contre, pourquoi on m'a passé le décapsuleur? Parce que moi, j'ai des canettes. Et donc, le décapsuleur. Tu te démerdes. Tu utilises le décapsuleur pour ouvrir la canette. Et attends. Ah, c'est juste. Le décanettiseur. Décanettiseur. C'est vrai qu'est-ce qu'il y a derrière canette qu'on avait eu, ça avait pas été aussi. Alors, qu'est-ce que c'est donc? Et donc, moi j'ai pris la Everyday Once a Day Give Yourself an IPA de la brasserie Evil Twin, qui est une double dry up IPA qui est brassée avec du lactose et de l'extrait de vanille. C'est celle que j'ai bu comme c'est un sale dans la banquette arrière. Hein. comme un peu la goûter fraîche là aujourd'hui. Ah, donc intolérant à s'abstenir. Lactose, hein. Ouais. Intolérant à quoi? Au lactose. Et aller à 9 degrés. Oh, regarde-moi ce tourbillon dans le verre. C'est magnifique. Oh. C'est magnifique. La maîtrise du geste. Et donc voilà, et je vais passer le décapsuleur à quelqu'un qui a été honteusement zappé dans son tour. Tu vois, je ne répète avant de dire. Pas. Ouais, tu vois. Alors, ben, merci Loli. Alors, moi, c'est Gonalf 81, et ça, vous me connaissez, que trop bien. Oh. Alors, moi, j'ai. On t'avait reconnu à l'accent, bref. C'est que ça. The infamous Gandalf. Je suis le seul à avoir respecté la tradition que j'ai moi-même mis en place, c'est-à-dire au mois de janvier, une bière de Noël. Voilà. Parce qu'on va le vivre. Donc, moi, je t'ai regardé bizarrement, c'est pas grave. Donc, moi, c'est une bière très locale, elle vient de Nage, dans le Tarn. De Nage, oui. Comme quand tu vas dans l'eau et tu nages. D'accord. Elle nage, ça c'est qui est pareil. Ça se nage. Et donc c'est la brasserie Saint-Victor, et donc c'est la bière de Noël, la classique bière de Noël, à 6,2 degrés d'alcoolémie, et Sigourney Weaver, il n'y a pas droit. Ah bon, c'est pas marqué. Donc le Sigourney Weaver, ah si, ça y est, il n'y a pas droit. Sur Brodog, généralement c'est marqué. Ouais, alors que sur Evil Twin, ça ne l'est pas marqué par exemple. Ah, toi aussi, si tu en as un, il n'y a pas de droit. J'ai soif. C'est caramel. Non, mais elles sont bonnes. Oui, c'est vrai. Par contre, Michael Jordan, lui, il a droit. Ouais, exactement. Il peut mettre des dunks. Ouais. T'as le droit de dunker. Ouais. Non, voilà, moi, elle fait bière de Noël. Elle a la couleur d'une bière de Noël, elle a tout ce qui. Est-ce qu'elle a l'odeur de la bière de Noël? Est-ce qu'elle pue le sapin? Je te laisse sentir. Parce qu'elle sent le pain d'épices. Ouais, si t'en bois trop, ça sent le sapin quand même. Michel, elle a l'odeur, ouais, elle a l'odeur des bières de Noël. C'est ça. Ah oui, effectivement. Moi, je l'aime bien. Voilà, parce que c'est pas la première fois que je l'aime. Alors, je passe le décap à Tocheux, ouais, mais c'est virtuel parce que. C'est ça, c'est tu lui donnes, mais il va pas s'en servir. Voilà, parce qu'il a. Moi, j'ai mon mien à moi. Même dans l'équipe, on respecte aussi, pas les couleurs. Non, merde. Ah, mais moi, j'ai annoncé la couleur de suite. J'ai dit, ouais. Je viens, mais mon décapsuleur, je l'emmène avec moi. Remarquez que c'est. Alors que c'est une clé de voiture quand même. C'est... Alors que ton jamais avoir un jeu de clé de bagnole et pas un décapsuleur. Oui, ça n'a aucun intérêt. Ça, c'est comme le couteau toujours dans la poche. Mais normalement, la voiture, elle peut faire des capsuleurs. Ouais. Tout peut faire des capsuleurs. Moi, j'ai vu Jean-Jean décapsuler des bouteilles d'une manière que tu n'imagineras même pas. Comme toutes les autres. <Ouais. rire> Avec une crosse de hockey, avec son ceinturon. Non, vous êtes. L'ouverture de bouteille n'a plus de secret chez nous. Oula, c'est devient sociétaux, ça, avant qu'il fasse un petit dossier là. Tout est un décapsuleur par destination, comme une arme. Alors, qu'est-ce que j'ai moi aujourd'hui? Alors, sur c'est la session 15, c'est ça? Oui. Ouais, donc, sur ces trois épisodes, on va avoir une thématique, puisque je me suis vu offrir des bières qui venaient du Nord, de mon cher Nord, pas natal, mais prénatal. Prénatal? Oui, prénatal, c'est-à-dire que j'étais encore avant d'être né. C'est une histoire, mon gars, t'imagines même pas. Ça devient compliqué. Et de la région, alors là, on est sur la brasserie Belnart, ça se dit, ouais, Belnart, qui est située à Bayeul, qui est, bah, pour le situer à peu près à mi-chemin entre Dunkerque et Lille. Plus on peut y aller Dunkerque en Bayeul. On peut y aller en avion, on peut y aller comme on veut. Le tout, c'est pas de rester à Bayeul, parce que là-bas, il y a un institut qu'on appelle les papillons blancs, c'est pour les zinzins. Voilà, si tu restes à Bayeul, c'est pas commencé. C'est ta future maison de blanc de bleu. Yeah. Non. Il y a pas Cobel. Il y a pas Cobel. J'ai donc une American Stout, qui s'appelle tout simplement la Cook Stout. C'est une bière à base de malt d'orge et malt de froment, qui a une amertume jugée à 33 IBU. Loli, tu veux rappeler ce que c'est que l'IBU? C'est le International Bitterness Unit, qui est l'échelle internationale de mesure de l'amertume. Voilà, merci. Est-ce que tu as deux indices qui pourraient nous permettre de comprendre l'échelle? Zéro, c'est un verre d'eau. Ouais. Et 100, en général, c'est une limite théorique de saturation de ton palais en amertume. D'accord. La cartouche de Switch. Alors, je sais pas, et je testerai pas. T'as pas goûté les cartouches de Switch? Ah non, c'est les cartouches. Ah non, bah non. Ah oui, c'est 100% bitterness. Alors, il faut savoir que cette règle théorique du 100 IBU, ça sature le palais. Il y a plein de brasseries, genre ce que tu vas boire, qui est à plus de 100 IBU. D'accord. Cartouche de Switch, c'est même pas comparable. Voilà, et en indice de couleur pour les connaisseurs, c'est 61 EBC. Et ça titre à 5,5. Le code. Est-ce qu'on pourra avoir Alors, son même numéroté en série à la main, ce qui est marrant, parce que j'avais pas fait attention à ce détail-là. À la main. Ouais, tu vois, t'as un KS DS1 jusqu'en 8-2019, ça c'est la date de péremption. Et donc, voilà, ça fait 5,5, c'est une 33 centilitres, et puis voilà, et on va s'ouvrir ça tout de suite. Le cheat. On va ça tout de suite. Ouais. On va cheater ça tout de suite. On va rester corpo. Oula, tu les verses beaucoup trop vite. Forte attaque. Oula. Il y a de la place pour mettre de la mousse. Oui, ça va. C'est pour ça que ça s'oxyde. Ouais, c'est ça. Ça fait une couche d'isolant. C'est une couche d'isolant. C'est simplement que sur les ch'tintes, je suis... relativement modéré, donc... T'inquiète pas, je vais goûter quelque chose après. C'est vrai que... Et donc, il nous reste le grand Toupal, monsieur Asco. Le grand Toupal. Le grand Toupal, c'est mon surnom. D'accord. Voilà. Donc, on a commencé avec une bière de la débauche, et on va finir avec une bière de la débauche. Quel cercle vertueux. Tout est écrit. On est un peu tous tombés amoureux de la Hazy Diamond hier soir. Pas du tout, c'était pas beau. Pas du tout, c'était dégueulasse. C'était tellement dégueulasse qu'on lui a dévalisé les rayons. Comme ça, on s'est dit que ça se propagerait pas et que les gens seraient pas de mal. Voilà, exactement. En fait, c'est de la prévention qu'on a fait. Et c'est un sacrifice pour la communauté. Exactement. Donc, je vais partir sur une Ace Diamond, donc une sour aux fruits de la passion de chez La Débauche. Il faut savoir que ça s'écrit H-A-Z-I. Z-I, pardon. Diamant. Z-Y. C'est Hazy comme brumeux, un truc comme ça. Oui, c'est ça, ouais. Trouble. On fait un gros pchit. Non, tu fais des petits pchit. Ça fait un petit pchit. Citron, ou... fais-nous un beau blue blue alors. Plutôt orange. Citron. J'ai soif. Non, c'est bon, on va pouvoir trinquer. Ça y est, c'est bon. C'est servi, on peut trinquer. C'est pas trop tôt, hein. C'est enfin l'habitude. Patché salut. Allez. Alors, la santé. Là. Putain, croise pas. Ah ouais, oulala. Ceux du fond là-bas, par la pensée. Le carrier, salut. Le carrier. Hermat. Patché salut. Hermat. Allez. Oh, jonjon. T'as le bras assez long, c'est bien. J'ai pas fait jonjon. Je fais jonjon. Pour accompagner le tout, on a également ouvert une bouteille de... Patreon. Une grande bouteille. Une bouteille de Patreon. C'est très célèbre. On va remercier tous les tipeurs. Ah, j'adore ça. Voilà. On a donc ouvert une bouteille de l'Esprit Libre. Merci Tocheux. Ouais, l'Esprit Libre, Brasserie des Vignes. Notre principal tipeur, Tocheux. Notre principal tipeur, Tocheux. Merci. Brasserie des Vignes, une bouteille à 6 degrés, anti Sigourney Weaver. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à goûter. Alors, pour info, donc moi, la... Blue Edit, Edit Blue, qui est censé normalement. Clac, clac, clac. J'ai pas de clac, pas trop. Hein. T'as pas le Fritzy Patty effect. Non. Mais le vendeur à VNB m'a dit que ça pouvait. Il ne sentait pas du tout et il y en a, ça faisait que des clac, clac, clac. Un peu comme. Ça fait pas d'hypnose. Ça touche pas tout le monde. Après, allez-y, vous pouvez tous goûter. Allez-y. Allez-y. C'est celle d'hier. Mais en fraîche. Moi, je vais voir si ça va faire des Fritzy Patty dans ma bouche. Ah si, c'est très léger, mais je l'ai senti quand même, les petits trucs. Moi je suis pas très frisé. Ah putain. Oh, par contre, le parfum est bien. C'est vraiment bon. C'est beaucoup. Quelqu'un veut goûter la shot? Non, c'est bien. Tu veux pas goûter un fraîche? Non. Non, moi ça frise pas. Je préfère les bières chaudes. Moi ça frise. Ça me rappelle la titanium. Mais par contre le goût est... Je l'imaginais plus à la fin. Moi je veux une Maximator. Ah, c'est une bonne Valstar. Ça pétille un peu plein de sel. Une Valstar. Une jus vert. Du coup, c'est très doux. Une maïs. Bon. L'amertume arrive à chaud. Je t'enverrai un fax. C'est la Mario. Ouais. Alors, celle-là, elle est à 9,3. C'est tout ce que ça te fait quand je te dis les chips. J'adore. Mais de on va aller se restaurer dans une bonne auberge. Ils en ont une troisième. On en avait déjà goûté des. Ouais, ça change de. Les fruits de la passion. Ouais, mais c'est. Moi j'aime bien. C'est pas le même d'ailleurs. Mais par contre, elle va me faire du mal, je pense. Monsieur, est-ce que tu veux goûter Ça, c'est laquelle? La Everyday Once a Day Give Yourself an IPA. Alors, moi je veux bien ta canette pour noter le nom. Bah, ça, c'est un peu long. Ouh, c'est fruity, hein. Ah bah oui. C'est vanille et lactose en plus. Non, c'est tellement bon. Ah ouais, ça va pas. Ça, c'est pas la même, ça. Celle-là, là, est terrible. J'ai eu l'occasion de prendre juste une gorgée dans les bouchons devant les gilets jaunes. Devant les gilets, comme ça. Oui, bien sûr, pardon. C'est presque ça. Alors que moi, je les insultais à la fenêtre comme ça. Ouais! Bon, j'ai soif! Si tu veux, hein. Ça, je suis pas à principe. T'as goûté? Moi, j'ai pas goûté encore ça. Monsieur Pépé, êtes-vous prêt pour votre dossier? Ah oui, parce que prêt. Jingle! Jingle! Mettez tous un écouteur pour pouvoir entendre le jingle de Pépé. Ah, c'est une production spéciale. Une production. Attention, production. Allez hop, Gino Girl le flux, en commençant par vous expliquer un petit peu le concept. Alors ça va être très simple, à chaque épisode on prend un sujet. Salut à tous, vous écoutez le Mitterrand premier épisode. Quelques secondes avant, histoire que moi je bande. J'ai un petit peu de... Voilà, ça par exemple, c'est parfait. Bienvenue dans Hors-Cadre, l'émission. Bonjour à tous et bienvenue dans la cour des miracles avec moi autour de la table. Salut, alors est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Oui. Ça vous prévient, je commence tout de suite comme ça, faut être dans le mood. Hein. Oula. J'ai pas fini ma partie de Dragon Quest. Tu mets un générique, je suis désolé. Putain, T'en prends un à l'arrache. Allez, je mets ça. Ouais, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Est-ce que tout le monde est chaud dans la salle? Oui, grosse ambiance ce soir. Bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 1 des éclaireurs. Alors, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. Oui, merci d'avoir mis bout à bout toutes les intros de tous mes épisodes. C'est le SAV. C'est le premier épisode. Le SAV est disponible sur PodClub. Ah, je regarderai ça. J'ai pas trouvé. Article 13. On a été censuré. Sans bon, bah écoutez, bah il est 20h30, donc je vous propose de commencer ce dossier. Hein. après 25 minutes d'ouvriture de bière, comme on dit. Bah, ça va, hein. D'habitude, on fait 30 minutes. Ouais, non, franchement, on a passé. Le marché de Noël est fini déjà. Oui. Oui, alors moi, pour être un peu chiant et bien commencer cette session, j'avais envie de faire un petit dossier sur mon dada, les légendes urbaines, les rumeurs. Si vous me connaissez. Théorie du complot. Tiens, t'avais peut-être pas mis le Mitterrand. Si, si, il a mis. Effectivement. Pour info, les deux premières musiques, t'as utilisé la même musique de fond. Oui, c'est Castle Crashers. Voilà. Bon, bref. Bon, alors, petite banalité, hein, comme tel un philosophe, mais de tout temps, il y a eu des mythes et des rumeurs. Vous savez, des légendes qui se propagent à travers les civilisations, le temps. Il y a un sociologue connu, enfin même pas un sociologue, il est spécialiste dans les rumeurs, il s'appelle Jean-Noël Capferrère, et il parle des rumeurs comme par exemple le plus vieux mass-média du monde, hein, le bouche à oreille, hein, ça a toujours existé. Mais voilà, donc je vais parler des légendes urbaines, des rumeurs, mais la difficulté c'est de se retrouver dans les termes, parce que je peux vous dire par exemple rumeurs, mythes, légendes urbaines, canulars, ragots, fake news, folklore même, ça peut, maintenant fake news, ou aussi théorie du complot, maintenant il y a toute une gamme comme ça. Et c'est beaucoup de termes qui se ressemblent sur certains points, voilà. Donc, pour mettre ça au clair au niveau des définitions, je vais surtout dire, parce que si je devais détailler chaque terme, ça prendrait des heures, et il est déjà 22h30. donc, ça prendrait... Macron vient d'annoncer sa démission. Voilà, oui, acte 5. Hein, on est en janvier. Ah, on est en janvier, oui. Maintenant, c'est bien sûr Donald Trump, le président de la France. De la Terre, bien sûr. La Confédération. Voilà. Donc, en gros, même les universitaires, ils ont du mal à se dépêtrer selon les termes. Donc, moi, je vais surtout dire rumeurs et légendes urbaines. Et même si j'étais encore plus tatillon, je dirais pas légendes urbaines, je dirais légendes contemporaines. Parce qu'il faut prendre légendes urbaines, pas dans le sens ça se passe dans les villes, mais plutôt la modernité, quelque chose de contemporain. Voilà. Donc, je vais faire deux parties pour ce dossier. Une première partie qui va être assez chiante. Et une deuxième partie qui va être assez chiante aussi. Non, la première, ça va être un peu théorique pour que vous compreniez un petit peu l'histoire du terme, etc. Et le second, ça va être plein de petites histoires, plein d'exemples. Et vous me donnerez aussi vos exemples d'ailleurs. C'est participatif. Oui, c'est participatif. Comme les financements. Alors, petite définition simple. Bon, elle fait 4 lignes, mais elle est très simple. Une légende urbaine, c'est en gros un récit qui est souvent anonyme, qui présente de multiples variantes, qui est de forme brève, qui est souvent surprenant, qui est raconté comme vrai et récent, et souvent ça fait ressortir des peurs ou des aspirations d'un milieu social particulier. Voilà. Je sais, c'est chiant, mais j'y arrive parce que le mieux pour vous l'expliquer, ça va être avec un exemple. Là, j'ai carrément repris 3 paragraphes du livre. Hein. Je suis un gros plagieur, mais c'est pas grave. C'est une histoire que tout le monde a. Ah, bah, je suis un podcasteur, moi. La bière et Wikipédia, bien sûr. C'est ça. C'est une histoire que tout le monde a entendue au moins une fois. Si je vous dis une légende urbaine sur le lycée, le bac, vous me dites. Allez, qui l'a là? Dame Blanche au bac de philo. Ah, tu l'as, ouais. Ah oui. Qu'est-ce que l'audace, hein? L'audace, c'est ça. L'audace, c'est ça. Ouais. C'est un jour, un professeur de philosophie a donné comme sujet de dissertation qu'est-ce que le culot, ou l'audace, peu importe. Ouais. Et l'un des élèves a rendu la copie sur laquelle il avait écrit le culot, c'est ça. Et bien sûr, il a eu 20 sur 20, ou 18 sur 20, peu importe. Voilà. 21 sur 20. 21 sur 20, il a eu son bac d'office. Hein, Apparemment, au bac aussi, si tu arrives à trouver une erreur dans les copies, dans les intitulés, t'as ton bac, t'as ton... Légende urbaine aussi. Je sais pas si c'est une légende urbaine, mais bon. C'est cool. Cadeau. Donc, comme j'ai dit, la légende urbaine, c'est un récit qui est souvent anonyme, parce qu'en fait, on sait jamais qui a créé l'histoire, de qui on parle, très souvent, l'origine de l'histoire, elle est assez floue. C'est souvent des gens qui disent « Ouais, j'ai un ami d'un ami qui m'a dit que... » ou « À ce qui paraît, j'ai lu que... » voilà, voilà. On sait pas. Donc on sait jamais trop le point de départ d'une histoire, hein, d'une légende urbaine. On retrouve aussi beaucoup de variantes, par exemple, là, par exemple, rien que sur ça, il y a beaucoup de variantes du style, souvent c'était pas au bac, mais c'était juste une petite histoire, enfin c'était plus un devoir de cours, ou c'est pas le culot, c'est l'audace, ou des fois c'est définissez le courage, ou des fois ça se passe même pas en France, ça se passe aux États-Unis. Voilà, il y a plein de variantes de cette histoire. Ouais, c'est vrai, mais je suis vraiment d'accord avec moi. Le live fonctionne. Ouais, ça marche très bien. Et généralement, c'est un récit bref parce que. Moi, un coup, vas-y. Je profite de cette pause. Pour boire un coup. Très bon. Pour me réhydrater. Généralement, quel moment c'est un récit qui est souvent très bref. Parce que c'est ça, le but, c'est de s'échanger ça rapidement, un peu comme des petites histoires rapides. Comme des cartes Pokémon. Autour d'un verre, ouais, un peu comme des cartes Pokémon. Oui. Je te suis, en fait. Et donc, changer les gens de E.T. contre. Ouais, c'est ça. Mais c'est, voilà, c'est, les gens d'urbaine, ça s'échange souvent comme une anecdote ou une MST. Conte, une MST, par exemple, exactement. Je crois que ça ne pas de la même manière. Les boucles à médias. Le contenu d'une légende urbaine est souvent présenté comme surprenant. Hein. C'est des histoires avec des chutes inhabituelles, originales, mystérieuses. Voilà. Il allait chercher le peigne. C'est le genre de truc on se dit ah oui, écrire l'audace, c'est ça, c'est quand même malin. Hein, tu vois, c'est le genre de truc, c'est surprenant. Participe au bac, la fin vous surprendra. La fin vous surprendra, surtout quand il y aura plus le bac. Bon, bref. Le récit il est raconté comme vrai quand on dit ah, j'ai... ah apparemment il y a un mec qui a fait ça. A priori, on suppose que c'est vrai, sinon on dirait que c'est faux. Enfin, voilà. On raconterait plus ça en termes de mythes, par exemple. Donc le récit raconté comme vrai, sur cette histoire de dissertation de philo, on a franchement pas de preuve que ça s'est bien vraiment déroulé. Hein. Bon, y a pas de témoins, il y a pas de copie. Je dis pas que ça n'a jamais existé, parce qu'on peut pas le prouver, de toute façon. Mais voilà, pour les profs de philo, par exemple, pour eux, c'est aberrant, parce que le principe de dissertation, c'est de dérouler sur plusieurs pages une argumentation, voilà. Et mettre le culot, c'est ça, c'est très loin d'une dissertation de philo, au final. Et donc, chaque milieu social a tendance à générer ses propres histoires. Là, c'est une histoire, par exemple, qui circule beaucoup chez les étudiants, chez les élèves, ou chez les professeurs, justement. Mais j'imagine qu'il doit y avoir des légendes urbaines du côté des infirmiers, des infirmières. Oui, il y en a une fois, il avait avalé un fémur, je crois, non ? Ah, bah, dis-moi, hein. Je sais pas si vous avez des histoires qui sont propres à vos domaines, à vos métiers, en informatique, je sais pas, j'ai peut-être des légendes urbaines. Que mec a lancé un site en production le vendredi, ça a marché. Ah ouais, c'est vrai, légendes urbaines, ça. Un vendredi à 17h. À 17h, il a fait ça. Il a fait une migration de base de données, ça a marché. Je sais pas, du côté de la santé. Il a mis un bug pour que ça. Alors, il y en a, mais. En fait, je sais pas. Quand on travaille aux urgences, il y a toujours des choses où on pense que c'est des légendes urbaines, notamment tout ce qui concerne. Ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les corps étrangers. Et en fait, il suffit de travailler un peu aux urgences pour se rendre compte que. C'est sans doute vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai. Donc, c'est un peu... légende urbaine dans le milieu de la médecine, et... il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas besoin. Il n'y en a pas besoin, en fait. C'est un peu comme, j'imagine, chez les policiers doivent avoir des tas d'histoires qui circulent comme ça. Ouais. Peu importe. Hein. La police. La police. Il y a souvent aussi un critère de récence, c'est-à-dire que, bon, là, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais... C'est-à-dire que l'histoire paraît d'autant plus vraie quand elle est récente. Quand elle fait un peu d'actualité. Par exemple, là, souvent, ça va être... avant, c'était « j'ai un ami d'un ami qui a entendu à la radio », maintenant, ça va être genre « j'ai vu sur Facebook ». Cette actualisation qui se passe. Et enfin, là, le plus intéressant, c'est qu'il y a toujours un message ou une morale cachée. Et ça, je trouve c'est super intéressant. Par exemple, là, dans le cas de l'histoire de la dissertation, ce serait de dire bah, « en fait, pas besoin de travailler parce que pour réussir, il faut être malin ». C'est ça. Voilà, donc ça c'est vraiment ce qu'on peut définir comme une légende urbaine, hein. Il y a toujours ce genre de choses-là. Après, il y a eu des travaux dans les années 40, déjà bien avant, au temps des philosophes grecs, hein, mais il y a eu beaucoup de travaux à partir des années 40. En temps de guerre surtout, en fait, ce qui était important, c'est de circonscrire les rumeurs, les légendes urbaines, parce que c'était pour éviter de colporter des fausses informations qui pouvaient saper le moral des troupes ou de la population, enfin, vraiment ne rien faire pour entraver l'effort de guerre, voilà. C'est pour ça qu'aux États-Unis, on retrouvait par exemple des Office of War Information, c'est des genres de mystères d'information qu'on trouvait à l'époque, et ils étaient chargés de régler le flot des rumeurs pour pas que ça dérape. Et en même temps, c'était peut-être aussi géré en même temps par les gens qui faisaient de la propagande, et c'est vraiment très très proche de la propagande. Ouais, ouais. Et autant tu remets l'Office of War Information à un temps de paix, là tu tombes dans le dystopien, dans l'autoritaire. Parce que tu muselles un petit peu la liberté d'information, etc. Enfin bref, après années 60-80, bon, institutionnalisation des recherches, des universitaires, des académiciens, puis après Internet. Qui a bien accéléré la diffusion. Bon, j'ai presque fini avec la théorie, parce que c'est un peu chiant. Mais en fait, ce qui est compliqué avec les légendes urbaines, c'est la vérifiabilité d'une histoire. Comment on peut vérifier certaines c'est histoires sûr se que diffusent vérifiabilité. Mais en ouais, la vérifiabilité. Ouais. Heureusement qu'on est dans le premier épisode. Mais elle reste invérifiable, c'est pas autant que l'histoire a jamais existé au final. C'est ce qu'on appelle la preuve négative. Je sais pas si vous connaissez le la preuve négative ou preuve diabolique. Je sais pas si vous connaissez. C'est en fait on peut prouver que quelque chose existe. Oui. Voilà. Mais on ne peut pas prouver que quelque chose n'existe pas. Voilà. Et en fait, souvent, il y a des soucis, par exemple, comme ne serait-ce que quand il y a des procès, quand on se retrouve dans un cas où on ne peut pas prouver que quelque chose n'existe pas, il y a souvent le procès il est dans une impasse. Et c'est quelque chose qu'on retrouve souvent en juridique, par exemple. Voilà. Après, je vais vous donner quelques exemples de légendes urbaines et montrer pourquoi, par exemple, c'est faux, mais pour autant, c'est pas on continue vrai. De les appeler légendes urbaines parce que ça continue de se diffuser parmi des gens qui ne connaissent pas forcément la réalité de l'histoire. Par exemple, on n'utilise que 10% de son cerveau. Il n'y a aucune preuve de quoi que ce soit de ça. Oh, du fromage. En fait, on utilise 10% de notre cerveau. Ça, les neurologues ont réfuté. En fait, c'est faux. On utilise bien 100% de notre cerveau. Mais pas à temps complet. Mais on n'utilise jamais 100%, 100% en même temps. Ça dépend de situation, quand on dort pas. Ça dépend si tu fais un codage. Par exemple. Je te dis oui à tout. Parce que comme ça, ça raccourcit. Ça raccourcit. Fais attention parce que cette phrase sortie du contexte, on est très loin. Oui à tout. En plus. Quels sont les thèmes qu'on retrouve beaucoup dans les légendes urbaines? Par exemple, tout ce qui est alimentaire. Par exemple, le gingembre, dit-on, est aphrodisiaque. Alors que. A priori, tout le monde le dit, mais personne n'est fichu d'apporter la corne de rhinocéros. Je sais pas. Alors que c'est clairement anti-émétique. Ah, peut-être. C'est-à-dire que c'est très beau contre les vomissements, mais il n'y a aucune preuve que c'est aphrodisiaque. Par contre, c'est très efficace contre les vomissements. Le chocolat. Et surtout, non seulement c'est... des mythes aussi sur... La banane. Le chocolat, c'est pareil. C'est aphrodisiaque. Non, c'est pas aphrodisiaque, mais c'est plein de potassium. Comme la banane. Et de magnésium. Mais ça n'a rien d'aphrodisiaque. Alors après, non seulement le gingembre, c'est pas aphrodisiaque, mais en plus, c'est pas bon. Voilà. C'est bon avec des sushis. Ouais. Il y a aussi, par exemple, une histoire qui se fait pas avec les sushis. Mais non, les sushis. Ça sert à se réinitialiser le palais. Il y avait une histoire qui circulait comme quoi il y avait du sang humain dans le vin. Pour trouver du sang humain. Bon, alors attention au clopipo. Hein, voilà. Ça chez nous, ma bande d'âme. Il y a des champignons. C'est pas justement l'histoire de le raisin était écrasé avec les pieds. C'est possible. On va retrouver peut-être quelques. Alors, on aurait plutôt retrouvé des champignons, mais. Des ongles. Des ongles. Ils ont vu ça et dit. Merde de pieds entre les doigts de pied. Des chaussettes. Mais c'est ça qui donne du corps. Ouais, bah. Corps au pied. Voilà. Du corps au pied et au vin. Un autre qui est très connu, c'est l'antivomitif dans le McDo. Oui, vous avez toujours entendu parler. Oui, oui. Non, je vais. Oh, oui. À propos de McDo, ça me fait penser à une légende urbaine, les fameux verres à viande avec lesquels on faisait les steaks des McDonald's. Ah ouais. Ah oui, c'était une légende qui circulait dans les années 80-90 aux États-Unis. Et tu sais d'où vient l'anti-vomitif ? Non. Sur les pains de McDo. Oui, alors c'est la peste. Alors, en fait, ils injectent les pains pour faire pour les mouler tous à la même taille. En fait, c'est juste une marque de décongélation au final. Aussi, ouais. Donc la petite pastille blanche, je comprends. Il y a beaucoup de légendes sur aussi la technologie. Hein, ça, à la sortie du micro-ondes, je m'en souviens. La sortie du micro-ondes, c'était incroyable. Incroyable. Voilà, on dit que ça bombardait les aliments en ondes radioactives ou ce genre de choses. Hulk. Voilà, il y a aussi les chaînes de mail. Bon, là, on est plus dans la malédiction. Mais quoi ? Moi, je le fais à chaque fois. Les chaînes de mail. Moi, je veux pas être maudit. Attends. Ah, mais ça, faut le faire. Ah, moi, je le fais. Là, genre, moi, je prends pas de risque. En gros, si t'envoies pas ce mail à 50 personnes dans 10 secondes, il y a un T-Rex qui va sortir. Les conneries qui circulent encore maintenant. T'as aussi le fait que la Corée du Nord aurait le meilleur ordinateur de l'univers et que la FBI et la CIA voudraient leur voler. Et là, il y a une légende urbaine, mais je crois qu'elle est vraie, c'est que. La seule personne à avoir un compte Steam de la Corée du Nord, c'est Kim Jong-un. Oui. Le truc, c'est que c'est peut-être une légende urbaine, mais ça paraît vraiment très très crédible. Tu vois bien, tu vois, il attend Half-Life 3 comme tout le monde. Quand le Half-Life 3 sort, il fait tout péter. Il y avait aussi un truc, par exemple, il y avait des vidéos comme ça qui circulaient, le fait de mettre du popcorn entre des téléphones et les faire sonner, ça faisait péter le popcorn. Il y avait un superbe vidéo truqué qui tournait avec ça. Donc là, l'histoire, c'était de dire que les ondes sont trop dangereuses et sont trop fortes. Il y a des légendes urbaines sur les animaux, par exemple, la mémoire de 30 secondes des poissons rouges. C'est faux. En fait, c'est 3 minutes, mais. Même plus, ils ont réussi à faire apprendre des choses à des poissons sur. Un million de 3 mois, un truc. Voilà, et des histoires sur l'école, lycée, université, on a vu l'audace, c'est ça. Il y a aussi apparemment il y a un prof qui aurait dit un élève bruyant, tu prends la porte, et lui il aurait pris la porte. Alors ça, je l'ai vu faire. Mais c'était sans doute inspiré de la légende. Alors moi j'ai entendu celle-là plusieurs fois dans la bouche de plusieurs personnes. Est-ce qu'on peut parler comme ça? C'est-à-dire de l'histoire de l'observation de la goutte de salive au microscope en cours de biologie et qui contenait plein de spermatozoïdes. Ah ouais. Je l'ai entendu raconter. Non, mais si, de plein de personnes différentes de lycée, complètement différents, sauf que personne n'a jamais fait ça de regarder sa salive au microscope en cours de biologie. Tous les soirs. Après, mais bon, ça c'était une légende urbaine que j'ai beaucoup entendue dans les années 90. Il y a aussi des légendes urbaines sur les people. Hein. Au hasard, Richard Gere et les hamsters dans le cul, voilà, si vous connaissez pas l'histoire. Quoi ? mais on raconte que Richard Gere, son kink, c'est de se mettre des hamsters dans le cul. Voilà. Comme Kiki Andrew Farnham et... Voilà, exactement. La dépêche de l'Est, c'est ça. Et elle est trop regardée, les gens se connaissent. Il y a aussi... Lifting de l'anus. Lifting de l'anus. Il parle de couilles de George Clooney aussi. J'en sais des choses. Il y a aussi la légende urbaine sur le fait que Elvis Presley serait pas mort avec ça sur une île déserte. Voilà. Ah oui, Michael Jackson il a arrêté, il a travaillé dans une maternelle. Et qu'il y a des nazis derrière la face cachée de la lune. Oui, pas sur la face cachée de la lune. Parce que derrière la face cachée de la lune, c'est la même chose. Pour Marc, qui serait capable. C'est ça, Il y a une légende urbaine qui dirait que le président des États-Unis est un gros con, je me refuse d'y croire. Lequel, le président actuel ou... Ah, c'est un. Non, le premier. Là, alors, il y a aussi des légendes urbaines sur le sexe. Hein, Gandalf, toi, tu peux continuer. Ça rend pas sourd. T'inquiète. Ah quoi c'est bon. Par contre, quand alors, ça, je sais pas si on peut vraiment dire que c'est une légende urbaine. Parce qu'il y a des manuels qui circulaient réellement. Alors, ça, c'était des théories hygiénistes dans les années au 19e siècle, qui aussi un peu puritaines, j'imagine. C'est ça. Ouais. Bon. Mais voilà, il y avait vraiment des manuels d'éducation où on expliquait aux parents ce qui allait arriver à leurs enfants si on les laissait se masturber. Voilà. Et on voyait des enfants dramatiquement malades. Oui, mais voilà, souffreteux, valétudinaire. Valétudinaire. Ça me laisse rêveur. se branler de tous les riches. Non, je suis sur le valétudinaire. D'accord. Ouais. Je suis en train de chercher la racine. C'est pour ça, c'est tout. D'accord. Quoique bientôt on va commencer le mois de février. C'est bientôt le mois de février, donc il y aura le comment ça s'appelle déjà le. Ben ça en fait c'est comme le NoFap de novembre. Ah oui, parce que c'est celui où tu meurs. Le No Nut November. Ouais. Après, il y a le Destroy Dick December. Ah, ils sont fous. Et un, février, c'est, je sais plus qu'est-ce que c'est genre le Forever Fap February, tu vois. Et alors, c'est quoi? C'est une cause humanitaire? C'est pour donner aux enfants. Je me branle pour l'Ethiopie. C'est pour donner pour les enfants. Tu deviens avec un bras de tennisman à la fin du mois. Ben ça, déjà, le Destroy Dick December, il te faut aller loin, quoi. Merde. Ah, je suis content d'avoir fait les bornes. J'ai plein de petits exemples d'histoires sur lesquelles on va revenir. Par exemple, les alligators dans les égouts, c'est peut-être une des plus connues. Hein. Ça me rappelle un logo. Ça me rappelle un logo magnifique. Voilà. Heureusement que l'émission a un peu continué. En fait, c'est le classique, les alligators dans les égouts. Hein, comme les alligators, les alligators. Dans les égouts. Des alligators mutants. Dans les égouts de New York. Ouais, États-Unis. Mais aussi, ça, c'est une histoire qui se diffuse aussi à Londres, à Paris, etc. Et en fait, c'est surtout des histoires qui remontent aux années 20-30. Il y a plusieurs variantes, c'est surtout centré sur la Floride. Elles sont toutes caïman pareilles. En fait, caïman méchant, jamais. En Floride, maintenant, on les voit sur les golfs, par contre, les crocodiles. Oui, ouais. Oui. C'est vrai. En fait, ouais, c'est une histoire dans les années 20. C'est comme... migrants. Oh merde. Voilà. Ah, c'est pour ça qu'ils en ont pas qui flottent là-bas, c'est les alligators qui les bouffent. Calme-toi, calme-toi. Calmez-vous là, ça va. Ça va trancher. En fait, il y a une histoire. Il y a une histoire qui circulait comme quoi il y avait un ferry qui prenait des animaux pour un zoo qui se serait endommagé au large d'une ville de Floride, et là les alligators seraient partis et auraient rejoint les égouts pour vivre leur vie d'alligator. Est-ce qu'il y avait Maître Splinter? Oui, c'est ça, et des pizzas aussi. Et il y a une autre histoire, en fait, ce serait comme quoi il y aurait eu des boutiques de souvenirs qui vendaient des bébés alligators, un petit peu comme des poissons dans des sacs. Ouais, sacs plastiques. Et les gens les mettaient dans les toilettes. Hein. Les parents achetaient ça pour les gamins, mais le souci, c'est comme... Normalement, ça grandit. Alors, comme les sacs de Floride, en fait. Alors, ouais, voilà. Donc on met ça dans les toilettes, on tient à choisir. Ça vachement vite, quoi, ça. Puis il y avait aussi un bouquin de 1959 qui présentait un témoignage comme quoi c'était véridique. Puis en fait, il y a un expert des légendes urbaines qui avait étudié, qui avait enquêté là-dessus. En fait, il a découvert qu'en fait, la personne en question qui avait donné le témoignage n'avait jamais elle avait jamais témoigné. Donc fake news. Simple, clair, efficace. Voilà, et après, tu as aussi plein d'arguments qui sont techniques, etc. Comme quoi... Bah, les reptiles, en fait, ils ont besoin de chaleur pour se réchauffer, donc dans les égouts, ils peuvent pas vivre, très clairement, même s'il y a de la bouffe, hein, clairement. J'avais entendu la version avec les serpents qui pouvaient rester bloqués dans les canalisations et les... Et remonter par les toilettes. C'est ça. Mais ça, c'est déjà pareil, c'est déjà arrivé. Problème de froid, c'est déjà arrivé. Ça, hein. Ça m'est déjà arrivé chez moi, un serpent qui est arrivé par les... Ah ouais. Un bébé couleuvre, il était... Vantard. Il était comme ça, hein. Dans 2 mètres de long. Non, il est comme ça, mais c'est ma soeur qui a vos chiottes en même temps de crier. Et puis tu tires la chasse et le truc qui saute pour pas. De toute façon, c'est connu, hein, les goûts et les couleuvres. Voilà, j'ai un serpent dans mon chiotte. Oui, les serpents dans les toilettes, ça peut arriver. Un serpent dans mes chiottes. Ils ont aussi prouvé, les Mythbusters, que les rats dans les toilettes, ça pouvait exister aussi. Les vers solitaires. Putain, c'est Rayman, ça. Dédicace à Rayman. Je voulais pas citer de nom. Le fameux George. Tu préférais que George, c'est ça. George. Tu voulais pas citer de nom, tu préférais que ça soit nous qui le fasse. Comme ça, moi, je garde ma dignité. J'aime bien quand même le gars qui va checker sur le chat s'il n'y a pas Rayman, toi. On sait jamais. Alors, ça veut pas dire que c'est fou, hein, cette histoire. On a déjà retrouvé des alligators dans des égouts, mais c'était des événements particuliers. Par exemple, quand il y a des grosses tempêtes, bah, les bestioles elles viennent se mettre à l'abri. Ou, en 84, à Paris, on en a trouvé une femelle, Éléonore. Voilà. Éléonore. Et en fait, elle se serait enfuie d'une animalerie ou de chez un particulier. Et on peut visiter Éléonore aux eaux de Vannes, justement. Il y a son petit enclos. On peut la visiter si tu veux. Lui rendre visite. Il y a une autre histoire, par exemple. Est-ce que vous avez entendu parler de cet été du Momo Challenge? Oui. Oui. Momo Challenge, c'est une hérésie et une connerie. Où en est ce? Ah oui, justement, l'affaire, le chantage, l'histoire de chantage. C'est un jeu qui s'est développé notamment sur WhatsApp, c'est ça? En fait, je parlais justement des légendes qui sont liées à la technologie et les peurs, etc. Et Momo Challenge, c'était ça. Cet été, il y a une grosse psychose là-dessus. Ouais. C'est la mort d'une jeune Argentine de 12 ans Ouais. Parce qu'elle aurait été contactée par un certain Bobo, tu vois, certain sur Bobo. WhatsApp. Alors, chercher l'image, c'est l'avatar. Avec ouais. Le Momo, c'est une espèce de femme hyper glauque. Avec des grands yeux, les cheveux très longs. Ça fait très yokai. Ça fait très yokai japonais. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Japonais, je crois. Non, c'est ça. Et le principe, c'est que le Momo en question, lui donner à la personne des défis de plus en plus extrêmes, et jusqu'au suicide, voilà. Puis après c'est parti en cacahuète, donc il y a tous les médias qui ont fait le sensationnalisme là-dessus, il y a eu la psychose des parents, y a eu, du coup le gouvernement a dû s'en mêler parce qu'ils ont dû être obligés de réagir. Et tout le monde a dû s'en mêler. Il y a aussi même le prince. Et puis il y a aussi tous les youtubeurs de leur côté qui sont pas avares de vidéos de merde. Non mais pour faire du buzz, genre type prank réaction, ils ont fait ils ont tous fait leur buzz là-dessus, enfin c'était ridicule. Ah bah si ça prank. J'en avais entendu parler moi dans le podcast Arc Morgendis. Arc Morgendis. Ah oui. Québec. Ouais. Il y a quoi, une série dessus. Au final cette histoire, il y aura eu 5 morts mais il y a eu des enquêtes ils n'ont jamais retrouvé de mort. Non mais il y en a aucune qui serait vraiment liée à cette histoire là. Ouais, il y a aucune preuve en fait. Non, c'est difficile de prouver le... Mais il y avait des petits malins qui avaient justement et on en revient au parling de départ qui est impossible de prouver que c'est faux. Mais oui, c'est impossible de prouver que c'est faux. Il y a peut-être une personne qui a vraiment été contactée par un comme le serpent qui a mon dans les chattes, on en a une ici Vantard. Il y a aussi cette histoire, vous connaissez l'arrivée du train en gare de la Ciotat. Oui. Et que les gens seraient partis en courant de la Ciotat. Voilà, donc ça, c'est le film de 1896. Ça dure 50 secondes. Vous pouvez le regarder pendant que je fais ma chronique. Et on débriefe après. C'est un des premiers films comme un des premiers films, mais il y en avait déjà avant. Mais, et en fait, c'est un plan fixe d'un train qui arrive en gare. Voilà, tout simplement. Vu un peu de 3-4 places. Voilà. Est-ce que c'est à l'heure ou pas? Il arrive à l'heure. Ah, bah c'est une vraie légende urbaine, ça, par contre. Ah, il arrive à l'heure, oui. Voilà, fallait aller au bout du truc. C'est un des premiers films diffusés, c'est pour ça qu'il est connu. Et en fait, voilà, ce qui a fait le succès du film, c'est qu'on disait que bah, les gens, à l'époque, prenaient peur en voyant le train arriver et sortaient de la salle en courant. Alors que les gens de l'époque n'étaient pas plus débiles que maintenant, au final, hein. Je crois. Voilà. Voilà, mais. Donald Trump, ça pas tu d'un article de presse, justement, où le journaliste qui a raconté la séance. Si, si, il y était, mais bon, il a monté le truc un petit peu en épingle pour dire que c'était tellement impressionnant. Que ça fait une impression. Voilà, et que les gens seraient presque sortis de la salle. Tu sais, il n'y a pas d'époque pour les putaclics. C'est et ça. Donc ça a bien aidé au niveau publicitaire le film. Et en fait, il n'y a rien qui permet de penser ça, parce que... y a un historien du cinéma qui avait étudié ça, c'est Georges Sadoul, et en fait... Sadoul. Il a enquêté là-dessus, et il y a des articles qui évoquent au mieux un léger sursaut du public. Ah. Donc, surprise. Voilà, c'est un peu comme nous avec la VR quand on découvre, hein, au final. Comme quand t'as fait le tram... Non, la VR, c'est pas que j'ai pour la première fois. Quand t'allais voir Avatar et que tu prenais un débris dans la fin. Quand tu te prends un dragibus en plein. Ah oui, c'est vrai. C'était des haribos. C'était des haribos. C'était des haribos. Un truc mou là. Tagada. Tagada. C'était des bonbons haribos. Un chamallow. Un chamallow. Et tu fais ça comme. Oh non! Non, j'ai peur, comme dans les films d'horreur. Non, haribos comme ça. Non, pas le diabète. Il y a aussi, bien sûr, la guerre des mondes. Ça aussi, fiction radio sur la CBS en 38 par Lucy Orson Welch. Hein. Notre maître à tous. Qui raconte une attaque extraterrestre sur Terre, et bien sûr, les gens auraient cru à une véritable info, vent de panique, etc. Et il y a des sociologues qui sont penchés là-dessus, et puis le vent de panique aurait été exagéré parce qu'il y a eu des enquêtes de l'époque, et apparemment, deux choses, l'émission a pas très bien marché. Déjà. Donc, pas vraiment d'auditeurs pour écouter comparé aux autres émissions de comme nous. À la même heure. Voilà, exactement. Donc pas de quoi déclencher une panique généralisée. Non, on va pas déclencher un vent de panique. Donc du coup, on peut se comparer à Orson Welles. Ouais, je pense. Ah, les Ça c'est bien ça. Je sais pas si tu partiras la comparaison. Rosebud. Et justement, les enquêtes de l'époque montrent aussi qu'il n'y a pas eu de type d'influence dans les hôpitaux et du côté de la police. Ah, maintenant un gros dossier. Bien sûr, le nuage de Tchernobyl. Vous connaissez vos classiques, j'adore. Un bon petit cancer de la thyroïde. Quelqu'un peut me dire la date? 1986, 26 avril 86, bravo, c'est ça, 26 avril 86. Explosion du réacteur numéro 4, avec une grande quantité d'éléments radioactifs qui part dans l'atmosphère et qui contamine un petit peu ce qu'il y a autour. Et en fait, en fin avril 86, c'est le professeur Pellerin. Il a pris son bâton. Ouais, il était comme ça, il allait jusqu'à Saint-Jacques. C'est ça. Et c'était le directeur du service de protection contre les rayonnements ionisants. Et il passait un soir dans un JT et on lui a attribué la fameuse phrase « Le nuage s'est arrêté à la frontière » ou quelque chose d'équivalent. Et voilà. Et d'où c'était une légende du coup ? Et en fait, il y a deux choses, c'est que les rapports de l'époque indiquent que le nuage est bien passé en France. Ah oui, c'est vrai, t'as la frontière, il est pas cool. Mais que les taux de radiation étaient ne présentaient pas forcément de danger, même pas de danger même. Depuis il y a fait ce live. Depuis il y a une augmentation en flèche des cancers de la thyroïde en Corse. Ouais, voilà. Après, rétrospectivement, ici aussi. Franchement, dans le sud-est aussi. Ouais. Dans la région. Oui, mais il y a tellement de facteurs environnementaux, c'est difficile de savoir lesquels ont déclenché ça. Et en fait, ce qui a marqué aussi, c'est que à l'époque, il y avait un bulletin météo qui montrait l'anticyclone des Açores qui s'arrêtait un petit peu, s'arrêtait du côté de, ouais, voilà. Et du coup, il y a eu des montages, des photomontages, hein, ça commençait, et avec une grosse croix rouge comme ça pour montrer que faire croire que c'était le nuage qui s'arrêtait à la France et que c'était quelque chose qui avait été bidouillé. Et, voilà. Il y a eu peur du Mitterrand déjà. De quoi ? T'as peut-être eu peur du Mitterrand ? Ouais, bah. Non, après, il y a réellement eu des demandes qui avaient été faites pour ne pas monter en épingle le problème sur le plan des médias pour éviter un vent de panique, pour pas créer de vent de panique, et puis surtout sur un nuage quand même. Ouais. C'est osé, hein. Moi je dis c'est osé, et puis surtout des gens qui on était encore dans la guerre froide, il y avait plein de gens qui se faisaient construire des abris anti-atomiques et des choses comme ça, et ils craignaient un petit peu des balisages de magasins en masse. Voilà, c'est ça, un petit peu des survivalistes. Alors, je vous conseille de regarder Famille Survivaliste. Mais tellement. Voilà. Quand il balance ses enfants à survivre dans la forêt pendant deux semaines avec des armes. Par exemple, le mec qui se fait un fort avec des conteneurs et des bus au scolaire. Voilà. Petite pensée au live de Douy, ça s'appelait comment déjà Live Interdit. Les lives interdits. Les lives interdits de Douy. Le seul jour où on l'a regardé, il s'est fait strike. La fois où j'ai regardé, c'est la fois où il s'est fait strike. T'as pas le droit sur Twitch. T'as pas le droit, c'est un peu plus souple. Tu peux pas passer surtout du contenu illégal. Autre histoire que. Probablement celle que je préfère, la rumeur d'Orléans, qui connaît. La rumeur ? La rumeur d'Orléans. Je connais la pucelle. D'Orléans. En fait, c'est en 1969, en avril, à Orléans, bien sûr. Et l'histoire, c'est que, l'histoire en question, c'est que les cabines d'essayage des magasins de lingerie féminine de la ville, c'était des pièges pour les clientes, et que les clientes en question étaient endormies par injection. La traite des blancs. Voilà, et elles étaient enlevées pour alimenter les réseaux de prostitution dans l'est de l'Europe. Alors, histoire incroyable déjà. Hein. C'est faux, moi j'ai fait quelques jours et ça marche. Et ça a pris une dimension encore plus incroyable quand on prétendait que les clientes étaient enlevées et transportées par un sous-marin qui remontait la Loire. Et qui était un sous-marin détenu par la mafia de l'époque. C'est la police. Mais on rigole, mais à l'époque. Ça a marché. Vous n'imaginez pas à quel point la rumeur s'est répandue. C'est improbable au dernier degré, quoi. Mais oui, mais voilà. Parfois, plus c'est gros, plus ça passe vite, la rumeur. Hein. C'est souvent une caractéristique. Hein. Et en fait, il y a eu des enquêtes de police et on n'a rien trouvé de probant. Pas de signalement de femmes enlevées à la police, etc. Pas de témoin direct. Si, un témoin direct qui était vraiment pas fiable. Et ça, c'était un certain Émile L. Il aurait pu venir. Claude Allègre. Ouais. Ainsi qu'un certain Francis H. Et non, absolument rien vu. Pourquoi l'histoire elle s'est développée ? C'est qu'il y avait une histoire qui était similaire, vaguement similaire à Marseille une dizaine d'années avant. Et c'est un auteur qui racontait une histoire comme quoi... je sais même pas ce que j'ai écrit en fait. Ouais, c'était une histoire vaguement similaire à l'époque à Marseille. Voilà, c'est un peu les racines de l'histoire, et puis après, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? C'est aussi, ça démontre très bien la puissance du bouche à oreille à l'époque. Tout le monde parlait de cette histoire, beaucoup y croyaient, et après, et curieusement, une fois que la rumeur est retombée, ben non, j'y ai jamais cru, moi. Ah non, c'est pas vrai. Tout le monde déclare ne jamais y avoir cru. Ça, c'est drôle. Et en fait, quand je vous dis qu'il y a toujours un message implicite dans les légendes urbaines, là, clairement, on était un an après 1968, en pleine époque d'émancipation des femmes, et les magasins de lingerie, ça traduisait une certaine frilosité, un certain puritanisme des figures parentales de l'époque. Non, tu ne dois pas acheter des vêtements toute seule, etc. Et surtout, les commerçants visés, ça c'est intéressant, ils étaient juifs, Oh. Et en fait, ça traduit vraiment le sentiment antisémite de l'époque, entre l'époque. Comment ils peuvent réussir, ça va être à cause de la traite des Blanches, il y a plein d'histoires qui se développaient comme ça. Et donc si ça vous intéresse, je vous conseille de lire le bouquin La Rumeur d'Orléans d'Edgar Morin. Ah, ça fait 90 pages et c'est super intéressant. Voilà. Bon, maintenant, je vais terminer avec des trucs un peu plus légers, mais genre Coca-Cola, la couleur du Père Noël. Oui. Mmh. Voilà, on dit que c'est Coca-Cola qui a donné la couleur rouge au Père Noël avant qu'il était vert. Ouais. En fait, on retrouve, même Coca-Cola dément, sur leur site, on retrouve... Non, ils ont juste ils se sont dit ça tombait bien. Ouais, ça tombait bien. Ils ont pas vulgarisé le fait qu'il soit rouge, mais ça tombait bien pour eux. Oui, ils ont bien aidé. Ils ont fait l'occasion, fait de la rouge. Mais on retrouvait déjà des poèmes qui décrivaient le Père Noël en rouge 100 ans avant. Voilà. Ah tiens, bon, tout le monde a fait pipi dans une piscine une fois. Oui, ouais. Ah, il y a la couleur de la piscine. Moi j'ai même chié dans une piscine. C'est pas ça. Enfin, c'était marrant. Ça faisait ça faisait un Milky Way. Ah, il en est fier en plus. Vous voyez pas, c'est qu'il en est fier là. Hein. Faites le taire. C'est à côté, j'ai envie de l'égorger. Toi, tu as mes filles. Oui, alors le colorant dans les piscines hein, qui montre quand quelqu'un vient de pisser dans l'eau. Et en fait, le produit existe, mais il est utilisé que pour les tests de qualité de l'eau. Hors des bassins, on ne le retrouve pas dans les piscines parce que il en faudrait beaucoup. Mais peut-être que c'est déjà arrivé dans une piscine. Donc, on peut et puis surtout, si tu as une piscine, t'as pas envie de savoir. T'as pas envie que les autres sachent que quelqu'un a pissé dans ta piscine. Après, tu bois la tasse et tout. L'amiral de Chine qui est visible depuis l'espace. Oui, c'est vrai. C'est une connerie. De toute façon, elle est fine comme ça. En fait, l'important, c'est la largeur. La muraille de Chine, en moyenne, elle fait 6 mètres de largeur. C'est pas énorme. Hein. Et en gros, ça reviendrait... et quand on est... la station spatiale est à 400 km de haut. Donc pour voir 6 mètres de large à 400 km de haut, c'est compliqué. C'est bon. Et enfin, une histoire que j'aime beaucoup, Mr. Gorski. Tout le monde connaît Mr. Gorski. Eh bien, non. C'est Neil Armstrong, en posant le pied sur la Lune, il aurait déclaré « Good luck, Mr. Gorski. Bonne chance, Monsieur Gorski. » Et tout le monde se posait la question. L'affaire allait assez loin. Il y avait des rumeurs qui commençaient à se répandre, hein, comme quand il y a des zones d'ombre, généralement. Et en fait, la rumeur avancerait que Neil Armstrong était en copinage avec un communiste de l'époque, le fameux Mr. Gorski. C'était une menace pour la sécurité nationale. Donc, entretien avec le FBI, la NSA et tout ce genre de choses. Et un jour, il aurait rien révélé pendant 30 ans, et un jour, il aurait confié, alors je cite, « Monsieur Gorski est mort maintenant, je vais pouvoir répondre à votre question. Lorsque j'étais gosse, j'avais l'habitude de jouer au basket dans le jardin. Un jour, le ballon a atterri dans le jardin du voisin, et au moment où j'allais le ramasser, je suis passé devant la fenêtre de la chambre à coucher de monsieur et madame Gorski, nos voisins. Et là, j'ai pu entendre madame Gorski qui disait à son mari, « Une fellation ? Tu veux que je te fasse une fellation ? Je t'en ferai une le jour où le gosse du voisin marchera sur la lune. Voilà. » Belle histoire, complètement fausse, bien sûr. Ah, merde, c'est dommage, ça, c'est dommage. Parce qu'on aurait vu que ce soit vrai. C'est dommage pour monsieur Gorski. Pauvre monsieur Gorski. C'est ça qu'il aurait dû dire. Ça se trouve, il n'avait pas existé. Quoi. Non seulement, il a attendu qu'il était mort. Et on ne trouve pas en fait, de traces de cette fameuse phrase dans les enregistrements vidéo, audio ou dans les transcriptions texte de l'époque. Mais pourquoi ? Parce que de toute façon, c'est un montage. Non, mais c'est... C'est pas sur la Lune. Ça a été tourné dans le Nevada. C'est là que j'attaque... Les Busters l'ont prouvé, arrêtez. C'est là que j'attaque les 50 prochaines pages, les théories du complot. Ah oui, les théories du complot. Intéressant. Ouais, oui. Je vais terminer avec 2-3 trucs en vrai qui sont marrants, par exemple. Enfin, ça parle de mort, bien sûr, mais c'est toujours marrant. Un plongeur qu'on aurait retrouvé mort sur les lunes d'un incendie éteint, comme quoi il aurait été largué par un canadair. Il aurait été aspiré dans un lac pendant qu'il nageait. Ça, c'est faux. Ouais, mais il peut être aspiré dans un lac aussi. Bah, oui, ouais, en fait, les canadairs, les écopes des canadairs, elles sont pas assez grandes pour collecter un humain. Pas large du tout. Hein. Regardez cet excellent épisode des experts. Mmh, ou de sur la Cmide. Le mec retrouvé. Il suffit aussi de regarder un épisode de C'est pas sorcier sur les canadairs. Dis donc, Jamy, est-ce qu'il y a eu des morts? Ah, bah dis donc, Jamy. Je vais te dire, Fred. Paul McCartney qui serait mort en 66, bien sûr. Remplacé par un sosie. Bien sûr. Avec une voiture. Et il y aurait eu plus de morts. Ça me rappelle une femme qui avait fait un blog pour dire qu'en fait, il y avait 3 Benabar. Ah, peut-être. Et c'est les Skrulls. Oui. Il y a aussi un bateau où il y aurait eu un homme piégé dans une chambre froide qui aurait souffert de basse température et qui serait mort. Et qui aurait écrit juste avant de mourir les détails de sa douleur. On m'a rematué. J'ai plus de bras, j'ai plus de bras. Et le reste, c'est con de pouvoir dire sans bras. Et j'ai plus de bras, c'est pas mal comme phrase à écrire. Et en fait, c'était l'histoire de Philippe Croizon. C'était l'histoire de Philippe Croizon. Et on se serait rendu compte après que le mécanisme de réfrigération ne fonctionnait pas et que la chambre, en fait, était à température normale. Et il aurait été mort par conviction mentale. Et ça, en fait, on ne sait pas d'où ça vient. C'est juste Bernard Werber qui avait retranscrit ça dans un de ses bouquins. Et vérifier ce fait, on sait pas, peut-être que c'est... Et ma soeur a reculé d'un soir. Ah ouais. Les chocolats, c'est pas celui-là. Seconde édition. Et après, oui, bien passe... sûr, la version collector. Je vous passe aussi avec tout, 30 pages toutes les légendes urbaines sur Hitler, hein, il se serait pas suicidé. Il se serait caché sur la lune, il aurait qu'une couille, etc. Alors que Jacques Chantine. Alors que Jacques Chantine, il a... Et par contre, on a prouvé qu'il était végétarien. Oui, grâce à ses dents. Ah, mais oui, ça, c'est il y a eu beaucoup de. Oui, mais du coup, est-ce qu'on est sûr que c'est dans ses dents ? Puisqu'on n'est pas sûr qu'il soit suicidé. Ouais. Et de toute façon, ces dents, ils sont pas en Russie. C'est ça. Mmh. Dans une boîte de cigares. Parce qu'ils n'ont pas voulu rendre ça joli. Il y a ça, une partie de sa mâchoire. Et du crâne, non ? Oui. Planqué avec leur déroumanin. Non, mais ouais. ce qui est sympa, c'est qu'ils l'ont mis dans une vieille boîte de cigares en disant il n'y a pas de raison qu'on fasse honneur à ces restes-là. Oui, bien sûr. Dans la chambre d'Anastasia. Mais c'était un Français qui a eu l'autorisation de partir justement et voir si c'était vraiment faire des tests sur le. Voilà. Bah, en fait, je pense qu'il faut retrouver des gens de sa famille et que c'est compliqué. Ils ne sont pas hyper chauds à donner un petit peu de leur ADN. Pourtant, les fours, c'était leur truc. Oui, je suis l'arrière-petit cousin d'Hitler, mais. N'en parlons pas. C'est un détail de l'histoire. Point. C'était la brebis galeuse de la famille. Hein. À deux doigts du lollipop. Non, c'est à deux points du, c'est à deux doigts du vomipop. Voilà, pour aller plus loin, parce que je suis. Juste, si ça vous intéresse. Vous voulez lire, on ne sait jamais. vous lisez les bouquins de Yann Harold Brunwald, c'est un spécialiste américain, la question. Et en France, on a Véronique Campion-Vincent, Jean-Bruno Renard. Renard. Des mots composés, hein, Jean-Noël Cap-Ferrer. Gérard Bronner, qui est très intéressant, mais lui, c'est plus psychologique. Et si vous voulez plus vous marrer, il y a un dossier de Yeti dans la période du Capitaine 58. C'est comme ouais, ça. Oui, je viens. Et voilà, je vais écouter pour voir quelques exemples qu'il donnait. Je vais même piquer 2-3 vannes dedans parce que je suis un humoriste français. Dommage. Je suis Thomas Sisley. Je suis. Ah non. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir manger du fromage. Ah. Je vais pouvoir boire ma bière et vous me saoulez pas jusqu'à la fin. Voilà. Jusqu'à la fin, carrément. Ouais. Et puis comment ça applaudit ? Parce que c'est ta première fois, vraiment. Après l'orgie. C'est Kéninet qui disait, je me souviens, dans Queen Novi, on s'applaudit après l'orgie. Oui. Non mais là, on le fait avoir parce qu'on sait jamais comment ça va tourner. Fromage ! Mal. Fromage ! Et si tu t'applaudis après l'orgie, ça fait... Faites tourner. Ça fait flap. Réclamez si vous voulez quelque chose, il y a des cookies, il y a du... Je veux bien un cookie. Il y a du radeau pour Cookie fromage. Ah, ils sont extrêmement croustillants. Et ils sont fortement goûtés. Il y a du crousti dedans, mais du crousti naturel. Du vrai crousti dedans. Du vrai crousti. Nous avons eu la chance de les goûter en sortie de four. Oui. Ce fromage c'était est marrant. C'était crémant. Ce fromage est fou. Ah, c'était encore sur Hitler. J'ai rien dit. C'est quoi la non, mais tu l'as pensé trop fort. Le temps de cuisson. Et la température. J'ai mal à mes ancêtres. Allez, bon, rue suivante. Non. Les questions aux invités. Ah non. Le fromage est très bon. Putain, je risque de tomber sur les portes-papiers. Ouais. Ah bah ben ça. Allez, viens. On va manger des chips. T'entends ? Des chips ! C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips ? C'est fini. C'est bon. Ah, il y avait un jingle. Là. Oui, bah, il y avait un jingle. Le jingle invité. Petite parenthèse, la bière est très très bonne. Les bières, ça passe la tête. Bières, ouais. Ah, la Jackhammer était terrible. Ouais, ouais, non, l'esprit libre, elle est. Ah, ouais. Je vais goûter. L'esprit libre est très très bonne. Moi, je suis toujours sur la Mario à 9-3. Je suis extrêmement content. C'est dur à passer. 9-3 représente. 9-3 représente, oui, dans la tête aussi. 9-3 représente beaucoup d'alcool. Je suis très content qu'on l'ait ouvert maintenant et qu'on ait pu la déguster avant d'être complètement bourré. C'est pour ça qu'on garde les Imperial Stout pour la fin. Ouais, c'est ça. Trouble pour enfoncer les clous. Alors, il va falloir me donner des chiffres entre 1 et 93. 93. Alors, c'est pas des chiffres. Il y a 93 questions. C'est des nombres. Parce que les chiffres, c'est entre 1 et 9. 0 et 9. Est-ce que 0 est un chiffre? Oui. Oui. Oui. 0. C'est le vide. C'est la représentation du néant. Mais le néant, est-ce alors, qu'il y a quelque chose de... Non, c'est le néant voilà. Total. On fait ça dans quel sens? Comme dans, vous le sens dans le sens inverse de la rotation de la queue de la derrière. Okay, ouais. Normande ou limousine? Bah Normande. Normande. Eh oh. La tricolore, ouais. La vraie, la seule, l'unique, celle qui a une niche comme ça et qui fait du rêve. À boire au pied. Alors moi je vote pour la tarine. Chacun son truc. Hein. Moi je vote pour la migane. Hein? Au lieu de la tarine. Tu veux pour la vache minka, c'est ça? Non, je sais pas quelle couleur elle est. Ah, j'ai fait la blague des vaches mauves tout à l'heure, c'est pas trop passé. Ouais. Ah, d'accord. Moi, je prends la marmotte. Bon, on va commencer par Anna, du coup. Ah. Anna, donne-moi un nombre entre 1 et 93. Bon courage. 42. Oh, c'est bien. Attends. Bah, chaque fois, le droit 42. 42, quelle est la réponse à la grande question sur la vie, l'univers et le reste? Ben... 42. 42. Non, c'est 12. C'est trop facile. Généralement, on a dit 69. Ouais, moi j'aurais dit 12. Monsieur Randall Flagg. 12. Où vas-tu? Aux toilettes. Aux toilettes. Non, pas tout de suite. Tu vas y aller. Mais j'irai. Giro. Ça va, c'est pas des questions de moi. C'était pas une question de moi, je me suis auto-posé. Non, non. Quand c'est toi, c'est noté. T'es pas auto-posé. Mais vas-y, ceci. Ouais. Vas-y. Monsieur Jonjon, qu'on n'a pas entendu beaucoup. Bizarre, on va dire 88. 88. Oh là là. Ah. Qui a voté la loi des séries? Non, c'est pas marqué Randall Flagg. C'est pas moi, c'est. Thomas Sisley. Regardez le mal. Là, par Randall, je veux pas qu'il s'appelle. Monsieur Loli. Moi, je vais dire 8-6. C'est pour être vraiment en contradiction toi, t'as par rapport à ce que je suis pas invité, moi je suis allé. Et ouais. Ouais, ouais. J'ai plus à faire cette merde. Je l'ai. Quel est le contraire de Alfred? Le contraire de Alfred? Ouais. Hitchcock. Batman. Bruce. Non, si, c'est plein. Je sais quand est-ce qu'on a écrit ces questions-là. Quand on était. Qu'on a préparé Podren l'année dernière. C'est vrai. C'est pour ça. Tu les as reçus. Ça va être joli à voir. C'est vrai que c'est. Et donc, Musica, c'est 52. Bon. 52. Ah, ça du Ricard, t'es pas ah, oui, ça, c'est une question de monsieur Randall Flagg. Ah, ah merde, merde, merde. Est-ce que les employés de chez Lipton font une pause café? Bah, c'est toujours mieux que boire leur merde, hein. Donc, oui. Ouh, ça balance. Ouh là. Déjà, est-ce que Lipton est encore ouvert? Parce que dernière nouvelle, à Marseille, ils étaient pas très bien. Donc, Ils sont toujours l'Ice Tea, non? L'Ice Tea, ouais. L'Ice Tea Lipton, ouais. Ouais, mais là... Oui, mais personne n'a dit que c'était bon, l'Ice Tea. La boîte dont je te parlais, c'est celle qui faisait le thé en sachet. Oui. Après, je sais pas si c'est condition... Voilà, on a fait le tour des questions aux invités. Voilà, des questions aux invités rapidement expédiées. Tout ça pour passer... Tu peux en faire un autre tour, si tu veux. Ah, on peut refaire un autre tour. Allez, on refait un tour. C'est quand même la première fois qu'on a une libération de demande. On a déjà fait un deuxième tour. Pourquoi on abuserait des bonnes choses? Mais c'est pas la demande des gens. Nous, on était quand même tombé sur Jean-Jean qui a vraiment réfléchi à sa question. Et on va faire le deuxième tour à l'envers. Donc je vais demander à Musica de me donner 24. 24. Il faut faire l'Orient. Ah oui, une question d'Oasis. Ah, voilà. Ou pas. Pourquoi dyslexique est si difficile à écrire, hein. C'est de toi? Ah, c'est marqué d'Oasis. Merci, Slay. Pourquoi dyslexique est difficile à écrire pour eux? Du coup, je sais même pas si je suis. Pourquoi dyslexique est aussi difficile à dire pour les dyslexiques? Pour les faire chier. Bébé. Oui, on vient de faire un gofio. Il a décidé qu'il ne le ferait pas. On vient de faire un gofio et Pépé a perdu. Vous n'aurez pas pour un jet de merde. Le 51, puisqu'on ne l'a pas fait de 51. Comme le pastis. 51. Quand. Ah, encore une question d'Oasis. Quand un schtroumpf se cogne, est-ce qu'il a un bleu? Ah oui, ça c'est l'Oasis. Alors en fait, au début, oui, puis après ça devient jaune, puis vert, puis violet, puis. Et les schtroumpfs, ça fait les schtroumpfs noirs. Après, il perd son ventre. En fait, comme nous, quoi. Dans mon travail, on appelle ça une pizza. Et après, il meurt. Parce que c'est un putain de schtroumpf de merde. Jonjon Jinju 9-3. Représente. Ah oui, exact. Exact. Ça c'est une question de moi. C'est une question de moi-même. Pourquoi les moustiques font moins de bruit dès qu'on allume la lumière? Ah oui. Putain, c'est moi fait. Je sais, j'ai une réponse, mais... C'est une théorie du complot. Ah, pas mal. Bien vu, bien vu. Randall. Ben, 21, c'est comme 12, mais à l'envers. Ouais, d'accord. Ben, c'est une question de toi-même. Oh merde. À toi-même. À quelle heure passe le bus? Ah, Hollywood, musicals. Parce que c'est la même chose que dans la pub pour Hollywood. Vous vous souvenez pas? À quelle heure passe le boule? Ah, bus. Ah, Hollywood, musicals. C'est la même pub de Hollywood. Voilà, voilà, voilà. Ah putain, j'ai pas la référence. Ouais, c'était une vieille pub. Ah d'accord. Ouais, ah, ouais, non, c'est, pubs, c'est... Il y avait le train qui passait. Ouais, c'est marqué dessus, en fait. C'était la pub avant, ouais. Parce que quand ils ont passé le film, avant il y avait de la pub. Le prochain film qui s'est passé, il y avait déjà de la pub. Les enculés. Mais quel fils de pub. Ils avaient pas encore un blog. C'est ça. Et bien du coup, Anna. 74. Sub-cut. Oh. Ah, podcast ou YouTube? Ah. Normal. Ah, c'est une question. Moi, j'ai marre. Podcast. mais YouTube, c'est des podcasts. Jacques Pradel. Jacques Pradel. Ah, non. Ne dis pas tout, Pépé. Oui, j'écoute Jacques Pradel sous la douche. Et et aujourd'hui, c'était la dépeceuse de Tours. Et je vous emmerde. Est-ce que c'était une histoire hors norme? Hors norme et extraordinaire. C'est ça bien, dis donc. Tu vas pouvoir lancer le générique de Monsieur Gandalf. Ah. Uncanny New Opera Originals versus Secret Le Focal Legacy. Oh non. Tiens. Ma main a coupé, ça va encore tourner autour du trou de balle, cette histoire. Meilleur film du monde. Pourquoi lui, il a les bons jingles? C'est vrai. Non, mais parce que je parle du trou de balle. On va le garder sur son jingle qui fait 45 secondes pour les prochaines fois. Non. Oui. Non, il fait une minute. Ouais. ça va être insupportable. Ah, moi, je fais plus de dossier. Alors, en fait, je savais pas quoi faire. Bah, je sais jamais quoi faire, donc ma maman elle m'a ton offert un livre. Avec... Coup, on a fait une petite chanson. C'est vrai? C'est bon et c'est pas cher. Donc ma maman elle m'a offert un livre avec les 350 meilleures bières artisanales, c'est-à-dire que pas Heineken. Tu veux les lire une par une? Non, je vais le faire passer dans les. Montre la caméra! Ce serait cool de le lire une par une. Alors page 1, édito. Il y a 2 bières par page. Ouh. 3 parfois. Ça dépend. Regarde, il y en a. Ouh, il y a des fifous. On va dire en moyenne. Oui, il y en a plein water. Ah, mais c'est que c'est des fifous, dis donc. Et donc après avec ça on fait quoi? C'est ça. Et avec ça c'était oui. Et du coup. Oui, c'est voilà. Gentil. Mais... Et en fait je voulais qu'on parle bière un peu. En fait s'il vous plaît. Fasse des croix sur les pages. Alors ça, s'appelle pas un dossier, ça s'appelle un sujet. Non, ça s'appelle les enculeries. Ça s'appelle les enculeries. Mais en fait j'ai pas changé le nom. Moi j'étais trop préoccupé parce que on a l'équipe du Focal avec nous. Oui, mais c'est vrai. Oui. Ah putain, c'est con, il paraît. L'équipe du Focal qui c'est presque fusionné avec l'équipe de l'apéro. Ouais. Un peu alcoolique. Alors. C'est plus un crossover, c'est un melting. C'est un peu comme les Avengers. C'est incestueux quand même. C'est un peu comme les Avengers of the West Coast, mais il n'y a pas la sorcière. West Coast. Oui, West. West Coast. C'est quoi ta question? Et donc, c'est quoi? C'était discuter de bière, qu'est-ce qui vous plaît, Ah ben, qu'est-ce qui nous plaît, ça va être propre à chacun. Après, mais c'est pour ça. Nous, au Focal, ce qu'on fait, c'est qu'on a notre maître bière pour nous, qui s'appelle Maître Loli. Maître Loli. Je sais, quand je dis ça, je suis en train de m'énerver, mais j'en profite, ça me fait plaisir. Après, on a Azertov et, qui représente celui qui sait un petit peu quand même de quoi on parle quand on attaque le sujet de la bière. Et après, on a peu du cul de série. Et après, il y a le gros con de base, le rôle qui me va à merveille, qui est celui qui connaît rien au truc et qui dégoûte. Qui goûte et qui dégoûte. Parce que Loli a déjà un passif en tant que podcaster sur la bière. Sur le feu podcast, parce que mine de rien, mes chers ex-comparses m'ont dit « Ah, mais c'est pas grave, on continuera sans toi, j'attends le prochain épisode. » La suite pour eux. Parce que je leur souhaite honnêtement de continuer et d'avoir le même succès qu'on a pu avoir à l'époque où nous étions dans Dudes and Beers. Et nous faisions tourner Dudes and Beers. C'était le bon vieux temps. Ouais, c'était autre chose. Donc savoir ce qu'on aime, Loli, lui, saura te dire à coup sûr qu'il a une large palette de bières qu'il aime. Oui. Azertov aussi. Moi, je suis juste au début et je... Ouais, mais après, Moi, je commence à savoir ce que j'aime pas. Parmi les plus de 1000 que t'as checké sur Untappd, c'est l'accro. Alors, honnêtement, c'est la question en fait, qui sera excessivement dure pour moi, c'est de me dire, de toutes les bières que j'ai pu checker sur Untappd, laquelle serait pour moi le dessus du panier. Parce qu'il y en a plusieurs en fait, suivant le style, suivant le moment aussi, parce que il y a. Et puis après, on peut dire aussi dedans, dans une table, il y a les cidres, il y a le saké, il y a aussi le poiré. Ah oui. Mais bon, on va pas non plus rentrer dans des trucs comme ça. Mais voilà, honnêtement, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes et je veux pas rentrer dans le travers de me dire oui, alors j'adore. Pardon, Gofio, hein. Oui, c'est bon, vas-y. Et en fait, voilà, je pourrais rentrer sur le délire de « Oui, alors, j'ai goûté une fois un brassin exclusif de Cantillon qui donne que à leurs amis, et c'était exceptionnel. » Oui, c'était exceptionnel. Mais en fin de compte, est-ce que je peux le partager avec quelqu'un ? Non. Bah, non. C'est ça. Et alors que, tu vois, regarde, dans les 3 Imperial Stout que j'ai ramenées, il y en a une, j'ai goûté un brassin d'une année précédente, qui est la Wood Stout, que j'ai adoré parce que j'adore ce style. Mais l'avantage, c'est que j'ai pu le partager avec un grand nombre de gens. Et ce week-end, j'espère pouvoir faire la même chose et faire découvrir aux gens ce que c'est une bonne Imperial Stout, faire boire une bière à la canette à flag. Alors là, si tu fais ça... Tu me respectes, c'est ça? Parce que je demande pas ton respect, ça me sert à rien. Non, mais si tu fais ça, je veux dire... Après, il va y avoir clash, quoi. Je te donne mon alliance et je te laisse en couple avec lui, quoi. Non, mais c'est bon. Ça commence à faire beaucoup, quand même. Je suis là. Moi, j'ai déjà ce qu'il me faut. Ne vous inquiétez pas. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi gribouiller. Oubliez-moi. Mais après, encore une fois, il va falloir que je ferme ma gueule parce que je vais faire comme dans le Focal, c'est-à-dire que je vais avoir les pistes les plus lourdes du podcast en montage. Et puis je me rends compte que je parle de trop et qu'Azertov il parle pas. Tiens, Azertov, qu'est-ce que t'as à nous dire sur la bière ? Qu'est-ce que t'as à nous dire ? Bah, moi, en fait, finalement, je suis pas très connaisseur. J'en ai goûté plein. Vous avez pu le voir à peu près à ma collection de bières. T'en as deux. Peut-être trois. À deux. À peine. Non, pièce. Non, parce qu'il a vidé la cuisine. Ah oui. Je me demandais ce qu'il y avait de changé dans la cuisine. Ça y est, je viens de percuter. Il n'y a plus les 500 bouteilles de bière vide. Il en reste plus que 200. C'est ça. Il y a des séquelles de l'épisode sur le minimalisme ou quoi? Ouais, bah oui, bah c'est en préparant justement, je devais déménager la desserte où il y avait plein de bouteilles sur le manche debout où je me suis fait chier à tous les mecs. Ouais, là tu t'étais dit, bon, c'est bon. C'est bon, on a béni au fur et à mesure et puis voilà. Donc, ouais, pas forcément grand connaisseur, j'en ai bu une grande quantité, mais mon problème à moi c'est que je retire pas tous les trucs. J'en ai une que je vais boire souvent ou plus régulièrement, où je vais te dire, ah oui, c'est là, c'est plus un type. Mais après, les autres, je peux dire, la bière que j'ai bu la session dernière, bon, là, je ne l'ai plus. Mmh. Ouais, c'est con, mais c'est plus le fait aussi de partager dans l'instant, boire ici autour de la table, et voilà, boire tout seul, ouais, c'est. Tu bois un bon truc, mais. Effectivement, 1040 de check sur Untappd, je n'ai pas fait attention, c'est moi. Pour 808 uniques. Il y a l'intérêt de la bière, c'est aussi justement de garder les références et de pouvoir se les partager entre copains. Quoi, voilà. C'est avant tout une notion. Enfin, pour nous, dans le Focal, on s'est retrouvé aussi à faire ça. uniquement parce qu'il y a une notion de partage. La convivialité. L'alcool se doit être festivé convivial. Enfin, de toute façon, c'est le style qui nous a réunis naturellement. Je pense que Loli peut nous dire comment lui est venue l'idée du faux col. Il était sous. Vas-y. Alors en fait, je vais te faire parler. Non, mais voilà, je voulais me taire. En fin de compte, il faut que j'en parle. Alors encore, je joue ma grande gueule. Non, mais en fait, c'est vachement plus simple que ça. C'est que j'ai arrêté Dudes and Beers, enfin ma participation à Dudes and Beers, parce que j'étais fatigué en fait, de ce format. Je prenais beaucoup de plaisir à faire un épisode, mais à chaque épisode, en fait, je préparais de moins en moins de choses et je prenais moins de plaisir à éventuellement préparer quelque chose. Et puis, ça me fatiguait à force de faire ce format-là et de ne pas trouver une évolution à faire, parce qu'on en a beaucoup discuté à l'époque avec John et Corentin, des évolutions. On avait évoqué plein de choses, mais d'évolution sur d'autres formats, mais pas de faire évoluer l'audio. On avait éventuellement évoqué de faire de l'interview vidéo, de visite de brasserie, et de faire une carte Google Maps des brasseries, shops et bars à bière, etc. Je crois que cette carte existe encore. Enfin, au moins, ce proto de carte existe encore. Mais le podcast en lui-même, le média principal sur lequel on a commencé, a toujours été la même forme et qui m'a beaucoup plu au démarrage, qui était un petit peu notre marque de fabrique, qui était aussi notre bordel de fabrique. Ce qui était, on mettait le micro au milieu d'une table dans un bar et on parlait tous. Version discussion entre potes, mais sans avoir de, au démarrage en tout cas, de réel flux et de réel canal, et puis de réel conducteur, effectivement. Et puis, au fur et à mesure, on a créé des rubriques, etc., etc. On s'est créé une réputation, une image vis-à-vis de, bah, du travail qu'on a fourni pendant tout ce temps-là, avec notre participation en tant que bénévole sur les trois premières éditions de la Paris Beer Week, où au démarrage, on était juste là pour filer des bras, et au fur et à mesure, bah, John et Corentin, étant parisiens, ont participé même carrément à l'Orga. Mais à côté, et c'est aussi de ma faute, là-dessus je le reconnais, c'est que n'étant pas parisien et me déplaçant peu de fois à Paris, j'ai fini par prendre de la distance et puis être moins dans le feu de l'action, parce que le milieu brassicole parisien a évolué très très vite. Et cette distance m'a énormément fait chier. Et du coup, par ce ras-le-bol de me retrouver à chaque fois à ce que je sois un petit peu la cinquième ou voire même la dixième roue du carrosse, parce que j'arrive après la guerre, quoi. Ça m'a un petit peu cassé dans le truc et j'ai arrêté. Cependant, vous me connaissez tous suffisamment autour de la table, même ceux qui me connaissent peu. Jamais entendu parler de ce garçon. L'ont remarqué rapidement, c'est que la bière reste une réelle passion pour moi. Au point que, par exemple, sur la dernière édition de Podren, pour les soirées en off, j'avais brassé 6 fûts de bière. C'était bien, pas ouais. Pas un ou deux, mais 6 fûts. 6 fûts d'une excellente bière. C'était chiant à transporter. J'avais fait 3 fûts saison et 3 fûts de New England IPA qui étaient pour moi ratés. Je tiens à te rappeler, mais t'étais pas là. Vis-à-vis de mon exigence et de mon attente, elle était ratée. Moi, j'ai bien aimé la New England. Et pourtant, elle était tombée très très vite. C'était celle qui était partie en première. C'est ça qui est partie en première, c'est ça. Enfin, voilà. Petit fût parti. Et mine de rien, en fait, ça me manquait de ne pas pouvoir avoir un podcast pour parler de la bière, et je ne voulais pas faire un podcast tout seul pour en parler. Ça ne m'intéressait pas. J'ai fait un podcast tout seul, mais c'est pas sur ça. Et au final, je me suis dit, tiens, avec qui je pourrais en parler? Et c'est à ce moment-là que j'ai envoyé un jour un DM à Azertov et à Tocheux en leur disant, j'ai envie de refaire un podcast sur la bière, vous voulez le faire avec moi? Ils ont dit non. Et ils m'ont dit aussitôt, quasi instantanément, la réponse était oui. Mathieu, non, mais attendez, je vous ai pas dit de quoi ça va, comment ça va s'appuyer. Non, mais on t'a dit oui quand même. D'accord. Bon, je reconnais bien là une réponse sur la touche. Ouais. moi je suis un sanguin, c'est-à-dire que. Tu gagnes jamais d'argent. Par exemple. Attends, par exemple. Voilà. Ouais. Moi je suis un sanguin et quand je veux partager quelque chose ou quand on me donne l'occasion de partager quelque chose avec les gens que j'aime et que j'apprécie, oh, c'est beau. Non mais c'est ça, c'est ma nature, il n'y a qu'une solution possible, c'est soit tu dis oui soit tu dis non, mais tu le dis de suite, tu fais pas tergiverser les gens. Loli, il arrive, il me dit, moi je veux faire ça, et y a Azertov dans le game. Mais oui, tu te vois dire non à Loli et à Azertov? Non, moi je peux pas, je saurais pas leur dire non. Sachant qu'en plus, moi j'avais eu le plaisir d'avoir eu une expérience podcastique avec Tocheux qui était sur le... Après ça, on peut mourir tranquille. Avec Noé aussi. Et avec grâce Noé, à Podren. Qui était le podcast qui était inattendu au dernier degré, qu'on a fait tourner un tout petit peu et sur de se dire, allez, on va le faire, c'est fun. Ouais. Et puis, on a pris beaucoup de plaisir à le faire. Puis on s'est dit, bon, on va arrêter la blague maintenant. Oui, c'était l'occasion d'une rencontre. En mais ouais. C'était un grand plaisir d'avoir fait podcast avec Noé et Tocheux. On a vraiment pris beaucoup de plaisir à faire ça et je me suis dit, bah tiens, je ferais bien avec Tocheux et je le ferais bien aussi avec Azertov parce que, avec Azertov, il est venu régulièrement chez moi à se taper des bières et puis machin. Et puis je me suis dit, tiens, à se taper des bières. Et je me suis dit, bah voilà, c'est ça. Et puis Azertov sur Instagram, c'est Bircredi quoi. Voilà. Oui, c'est Bircredi. Donc il y a quelque chose. Non, et puis c'était le chili du Nouvel An avec des bouteilles de bière de macabre. Et le carte. Fameux chili du Nouvel An. Voilà, le chili du Nouvel An. Quoi. Et en fin de compte, je me suis dit, eh ben, pourquoi pas. Alors, j'ai mis beaucoup de temps avant de me dessiner. Je me suis un peu dit, allez, je le fais pas, je me relance pas. Et par acquis de conscience, j'en ai quand même parlé avec John et Corentin de Dudes and Beers, puisque je voulais pas non plus... Faire un bébé dans le dos. Bah, faire un bébé dans le dos, et puis surtout qu'il y ait un malentendu. Et par honnêteté, par courtoisie, par politesse, par gentillesse, j'aurais dit, écoutez, voilà, je voudrais lancer un podcast sur la bière avec Tocheux et donc Azertov, et je voulais vous prévenir. Et les deux m'ont répondu quasiment le jour même en me disant, mais de toute façon, tu fais ce que tu veux, tu nous dois rien, on te doit rien, donc... Connard. Dans le respect. Espèce de gros enculé. Salaud, tu nous as quittés, voilà, tu nous fais un petit dans le dos. Non, mais voilà. Surtout que moi, je voulais être le plus franc et le plus honnête possible sur ça. Je voulais pas qu'il y ait de voilà, je largue du Dudes and Beers, mais c'est pour en faire un autre à côté parce que je m'entends plus avec vous. Non, c'était pas ça du tout le délire. C'était. Bon, autre chose. La forme, je m'y retrouvais plus. Je veux une autre forme. Et la forme chapeau. Aujourd'hui qu'on a avec le Focol, personnellement, me convient. La régularité, c'est autre chose. Ça, c'est à moi aussi, parce que là, maintenant, il faut que je fasse le montage du dernier numéro. Ah oui, c'est vrai. Mais ceci étant dit, la forme aujourd'hui qu'on a trouvée me plaît bien. Il va vraiment falloir que j'apprenne à fermer ma gueule. Parce qu'en fin de compte, il n'y a encore que moi qui parle. Tu tombes dans le piège à chaque fois. C'est sa piste qui fait planter Audacity tellement. C'est pour ça que je suis passé à Audition, en fin de compte. Hein. Non, mais si tu veux, c'est représentatif aussi de mon podcast. Enfin, il y a celui qui est tout en bas de l'échelle et qui demande des informations, donc qui prend du temps de parole. T'as celui qui est au milieu, qui oriente un petit peu les débats et qui donne juste son avis. Et ça, c'est tout Azertov, parce qu'on le reconnaît aussi à sa discrétion, parce que c'est une personne qui est comme ça aussi. Ouais, c'est vrai. Et après, on se repose sur Loli, mais c'est naturel pour nous, parce que... C'est lui qui tient le truc. Voilà. Pour lui, c'est juste. C'est le gosse. C'est notre référence. C'est votre sensei. Oui. C'est notre sensei dans ce podcast. Et qui souhaite la partager. Voilà. Et qui souhaite la partager. Donc en fait, les rôles se répartissent naturellement. C'est le partage. C'est ça, voilà. Sur la bière, j'ai qu'une seule volonté, c'est le partage. Voilà, les temps de parole. Voilà. Et toi, t'es né au niveau bière, c'est quoi alors? Parce qu'en fait, on n'a pas parlé de nos goûts de bière. C'était ça. Ah ouais, c'est ça, quand même. Il est là. Il est sur ses genoux. Tu veux l'avoir? Viens le chercher sur mes genoux. Qui colle. Ça colle au moins que le hentai avait le gosse et le chien. S'il fallait te donner juste une orientation sur les bières actuelles, moi, pour moi, ma tendance en ce moment est sur les sourds, elles. Les bières un peu acidulées, acides. C'est vrai que ça t'aime bien. Ça, moi, j'aime bien. Voilà. Moi, ça j'aime bien. Voilà, par exemple, là, c'est quoi la Easy Diamond? Easy Diamond, hier, bon, bah, moi j'en ai pris deux pintes. C'est entre l'acidulé et le fruité. C'est ce que les Anglais ont vraiment bien dans les styles, c'est le vocabulaire, c'est le tart. Tart. Et donc, du coup, c'est le côté acidulé mais sec. Et une recommandation, c'est quelque chose sur lequel normalement vous ne pourrez plus tomber puisque Azimut n'a fait qu'une session de celle-là. C'est une sour ale mais à la fraise. Ah, qu'ils ont sorti cet été et qui était juste délicieuse quand il fait 38 dehors. Je crois que tu en as parlé. Pense que, ouais. Mais je crois que j'ai même dû la diffuser sur mon Instagram. C'est juste magnifique. Voilà. Ça, c'est une des découvertes dans le monde de la bière que j'ai fait grâce aussi à ce podcast-là. Je commence à savoir ce que j'aime pas et je sais ce que j'aime. Non. Du coup, c'est quoi toi tes bières Moi, mes bières favorites alors moi, par qui je suis venu à la bière? Oh, mon ami Azertov qui nous a amené dans ce... Tu connais ce joli magasin qui s'appelle... Qui s'appelle VN. Ah oui, sponsor officiel. Ah, Vend. Beaucoup de podcasts en fin de compte. Le magasin Vend. C'est ça. Vend. Il n'y avait même pas les serveurs à l'époque. À quand le code promo? VND. Ah, ça pourrait se faire. Ça pourrait se faire. Une collab. Ah bah, Zertov, il a ses collab. Et de fil en aiguille, ça a pris. Tout simplement, j'ai trouvé ça... J'ai trouvé plus de facilité à partager ça que le vin, que j'apprécie aussi beaucoup. Et ça faisait une sorte de passion commune qui est... Ouais, c'est vraiment un plaisir. Ouais, on peut partager, on se fait passer les pintes, tout ça, etc. Et c'est vrai qu'il y a une belle communion, quoi. Moi, ce qui me plaît, c'est qu'il y a de la diversité. Dans le monde de la bière, il y a les... Quand je fais mon Up to Eleven, j'aime parler de plein de trucs. Quand je fais de la musique, moi j'aime beaucoup la diversité. Et c'est vrai que quand je vois, on aurait dû le faire, mais on l'a jamais fait, le tour des brasseurs tarnés. On finira par le faire. Ça va pas tarner. Bon, si, c'est, voilà, ça va pas tarner. Quoi qui se passe. Oh, réflexe. Quoi qui se passe, cross apéro, cross vocal. Tout est prêt. Ah ben, je ne pas. Vous faites tous les râteliers. Dans le cadre de nos congés d'été. Qu'on aura le jour, mais ouais. Et il faudrait faire un quoi qui se passe, cross apéro, cross le focal au BXL Fest. Et par exemple, ouais. Par exemple, hein. Il y en a là-bas, il dit ça, je dis rien. C'est qu'après, je sais pas, j'ai pas encore regardé les dates, mais par exemple, il y a une brasserie qui s'appelle Cantillon là-bas. par exemple, qu'on a vu Albi. Et la bière était. Nickel. Et oui, et c'est ça par exemple. Et du coup, on fait par exemple. Du coup, j'ai pris une espèce de. J'ai pris des tics de mon ami Tac. Voilà. Ah, alors on a la Dino. Du risque. Voilà, elle a dit non. C'est vrai. Je suis une détox. Oh oui. Je prendrais bien un tuc. Mieux. J'ai que des tic-tac. Est-ce que vous pourriez rapidement changer de tactique? Oh, pour moi, ça doit devenir top, c'est ça? Putain, vous allez tous vous prendre un gros taquet là! Cherchez comment l'amener le taquet! Titre, oui! Ça donne envie! Hein. Ah ouais! Non, t'as perdu! Oh, les grosses têtes un peu. Belle-père de Loche. Ouais. Et c'est vrai que d'être allé à ces salons de la bière, là, c'est des belles découvertes. On voit déjà on voit les brasseurs en vrai. C'est pas qu'une bouteille. On peut parler avec le mec. Toi, celui qui fait la 5 Victor, c'est pas espèce de Bear of the Year, toi. Mais j'ai pu parler avec lui, j'ai dit ouais, j'aime bien ce que tu fais, c'est cool. Du coup, il a dit moi aussi j'aime bien ce que tu fais, c'est cool. Et là, t'es resté comme ça. Bon, j'en prendrai deux camions alors. Mais je me permets une intervention pour rebondir sur un truc que t'as dit tout au début, où tu disais que tu aimais bien le vin. Et je trouve, et c'est pas vrai, mais le vin a quand même une image plus élitiste que la bière, alors que c'est pas vrai. Les portes d'entrée dans le monde du vin sont plus difficiles à trouver dans la bière, qui a un côté populaire, mais au sens noble. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, c'est difficile d'utiliser le mot populaire, alors que c'est plutôt un mot... Enfin, je vois. Oui, oui, non, puis ça n'a rien de péjoratif d'être populaire, au contraire, je trouve. Mais la bière est une boisson partagée par un plus grand nombre, en tout cas les bières de qualité, par un plus grand nombre de personnes. Ce que j'aimerais faire remarquer, c'est que la bière est une boisson qui manque dans les verres de toutes les personnes autour de la table. Mais voilà, c'est... Je pense aussi qu'il y a... de la part des gens, une sensation d'élitisme, comme tu dis. Oui, c'est ça. Parce que ceux qui cultivent le vin, ceux qui l'élèvent, tous ceux qui sont dans ces métiers de vinification, prennent aussi un malin plaisir à confisquer un peu du jargon. C'est ça. C'est de l'obfuscation. Bon, voilà, bah, t'as pas de nez, t'as pas de langue, bah tant pis pour toi. Il y a ce côté-là, et puis la culture du vin, est quand même, c'est souvent des châteaux. Oh, de la boue! Dans la culture, même si c'est plus. Il y a une image. Il y a une image, c'est des châteaux, il y a quelque chose de très noble à cultiver du vin, etc. Et que la bière, eh ben, c'est plus. Ah, ben c'est un produit qui est sacrément bon. C'est tout ce que tu bois dans les bars et la convivialité. Mais il y a vraiment deux mondes. C'est la bière, c'est le bas peuple, et le vin, c'est le haut peuple. Il y a une tendance maintenant qui commence un petit peu à s'inverser aussi. C'est qu'il y a beaucoup de viticulteurs et de vignerons qui viennent à la rencontre de leur public et qui expliquent ce qu'ils font de leur vin, comment ils le font, c'est ça. Et avec des mots simples qui désacralisent tout le langage, en leur disant, et ce que nous on essaye d'expliquer avec Yannick notamment, mais donc là, pour le coup, ça je peux en parler parce que je trempe un tout petit peu dedans. Je trempe dedans, Yannick ? Non, dans le vin. Ah, pardon. C'est simplement qu'un vin, aujourd'hui, c'est pas la Rolls Royce, c'est pas une merde, c'est s'il te plaît ou s'il te plaît pas. Et une bière, c'est pareil. Et par juste de ce constat-là, tu vas voir qu'après, tout le reste, c'est de l'enrobage. Mais non, du coup, le vin a beaucoup à apprendre de la bière à ce niveau-là, je pense. Sur le côté ouverture. Sur le côté ouverture. Est-ce qu'il a vraiment à apprendre ou est-ce que c'est plutôt de l'éducation? Parce que c'est vraiment quelque chose de... Peut-être de culturel, de social. Et ah, le vin, c'est plus délicat dans le sens où c'est plus restrictif. Va voir un domaine viticole et va leur demander un petit peu comment ils travaillent, etc. Je ne parle pas de rentrer dans le détail de la fabrication de leurs produits finis, mais juste comment ils travaillent. Dans ce cas-là, il faut aller chez les vignerons indépendants. Voilà, il y a beaucoup de fabricants de vin, enfin de gens dans le vin qui pratiquent l'obfuscation, comme on dit dans l'informatique. C'est-à-dire qu'ils rendent toutes les pistes compliquées à suivre. Et la bière aussi a un spectre beaucoup plus large dans les goûts et dans les choix. Ce qui fait que tu peux toujours trouver une bière qui permettra à quelqu'un de rentrer dans le jeu. Alors que le vin, c'est plus compliqué. Les gens, quand ils connaissent pas le vin, ils disent « Moi, j'aime le vin blanc, j'aime pas le vin rouge. » Ça veut rien dire. C'est simplement qu'ils ont goûté des vins sucrés. C'est un truc rentré. Voilà. Moi, j'aime pas la bière, c'est amer. Attends, je vais te montrer ce que c'est une bière amère. Et après, on en reparle. Commence par goûter une Faro, tu vois, ça peut être. Ouais, non, mais voilà. Ah, vite, président. Non, mais c'est une porte d'entrée. Mais oui, même si c'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est une porte d'entrée. Tout dépend par quelle porte tu arrives quand tu fais ça. Les questions se posent pas. C'est pareil pour le vin. Le vin, il y a des portes d'entrée. Oui, mais elles sont beaucoup plus difficiles à trouver. Le truc est moins large et les gens sont assez structurés en disant moi j'aime le vin blanc. Parce qu'ils ont goûté des vins blancs sucrés. Est-ce que c'est vraiment. Et que tout le monde, les gens aiment le sucré. J'ai l'impression que c'est plus difficile. Et pourtant, Dieu sait, moi je suis plutôt axé sur le vin que sur la bière. Techniquement, la variété de cépages est quand même moins importante en termes de variation possible derrière la vinification. Voilà. Avec du c'est plus, il n'y a que les assemblages. Masques, c'est les assemblages qui vont jouer. À base de froment, d'orge ou tout le reste. Enfin, je maïs, de riz. C'est pour ça que je disais que le spectre est beaucoup plus large. Ouais, c'est ça. Et donc c'est ça qui rend le truc. Alors que foncièrement, si tu regardes les combinaisons possibles à partir des cépages de la vinification et la manière dont tu élèves ton vin, c'est peut-être alors, je dirais pas que c'est infini. Moi, je pense qu'en proportion, le langage du vin devrait être beaucoup plus simple par rapport aux nuances que tu devrais retrouver. Bah, mais ça, c'est mon avis. D'autant plus que vous m'oubliez, c'est juste ça. Pour le vin, si tu omets le côté cépage, l'ingrédient de départ, il n'y en a qu'un seul. Oui, c'est ça. C'est vrai. Du raisin. Ouais. Point. Alors, et après, c'est ce que t'en fais. Il faut pas oublier, c'est que la bière, c'est une boisson fermentée, certes, mais qui est entre énorme guillemets cuisiné avant d'avoir un produit fermentable. Donc, on ne parle pas de la même chose. On en a un où c'est une recette de cuisine et l'autre où c'est un jus d'un fruit qu'on assemble. Qu'on assemble avec d'autres. Et encore, qu'on assemble. Des fois, oui, il y a non, pas toujours. Hein. Non, mais oui ou non. Bien sûr. On peut assembler. Qu'on peut... Tu es plus proche du whisky, tu vois. C'est vrai que. Non, mais là, la bière c'est... et le whisky sont très proches. Là où c'est encore mieux. C'est la même base de céréales. C'est que dans le vin, tu prends plusieurs cépages. Ouais. Et après, tu vas faire des assemblages de plusieurs parcelles qui ont plusieurs cépages. C'est ça, voilà. Finalement, ce qui est le plus important dans le vin, et c'est peut-être en ça que ça le rend élitiste, c'est la terre. La terre. C'est que c'est aussi dans un truc de propriétaire un peu. Ouais, mais parce que le travail de la terre, tu travailles une terre qui t'appartient, que dans laquelle tu investis des choses. C'est... Et c'est pas péjoratif ouais. Hein, non, quand je dis ça. Là, ce que je veux dire, c'est qu'on va rentrer dans les fondements de pourquoi on fait du vin. Et là, tu vas revenir. Tu veux qu'on fasse un parallèle, c'est pourquoi on fait du podcast. Mmh. Non, sans aller chercher la petite bête. Il est tellement fort, j'adore. C'est sans aller chercher la petite bête. 10/10. Il y en a qui font du vin parce qu'ils veulent le partager. Je suis désolé, je vais parler que de ce que je connais, mais je le fais tous les ans. Yannick, quand on fait les sarments, quand on va retourner la vigne avec le percheron qui te tire une charrue avec un soc et qui te retourne 2,5 hectares de terrain, on sait pourquoi on le fait. Et pourtant, il y a quasiment rien qui rentre. Hein. Yannick, quand je veux lui prendre du vin, il m'engueule. Il veut pas que je le paye. Non, mais je suis voilà. Assez d'accord avec et toi. Et puis, à côté de ça, donc on est sur les terres du Front Sadel, hein, on est à Saint-Germain-la-Rivière, vous regarderez sur une carte, juste avant Libourne. Et puis après, vous allez à Saint-Émilion. Ouais, et là, il faut pas tourner à gauche après le Batigros. Il n'y a pas de Batigros. Non, mais c'est ça. C'est entre les mecs qui font du vin pour le partager et des mecs qui font du vin pour le vendre et pas à n'importe qui et pas à n'importe quel. Surtout pas à n'importe qui. Et surtout pas à n'importe qui. Ils arrivent, ils ont un maître de chez, ils ont un gars qui va passer dans les mines, il va traiter les mecs qui passent la machine comme des bouseux parce que les gars, c'est jamais que des maîtres de chez, c'est juste des techniciens agricoles. Ouais. Et puis il va rentrer le vin, il va faire de l'élevage, il va aller voir Parker, il va lui dire faut que tu mettes mon nom dans le guide et puis ça doit coûter tant à la fin. C'est sauf ça. Que entre les deux, les frais que eux ils génèrent à mettre en place des contrôles qualité, ben, comme on est des bons Français, on veut l'appliquer à tout le monde. Et le Pékin moyen qui veut faire un peu de vin de son côté, qui est obligé de s'aligner là-dessus, ben, il est obligé de payer des certifications, des machins, des trucs. C'est pour ça que Yannick, son vin n'est pas certifié parce qu'il ne veut pas rentrer dans le jeu des certifications biologiques. Son vin, il sait comment il est fait, il n'y a pas de produit dessus, c'est fait naturellement. Mais il n'a pas la certification. Et il a dit, mais allez me faire foutre, ma bouteille, si vous la voulez, allez là, si vous ne la voulez pas, vous vous cassez. En plus, dans le vin français, il y a aussi cette spécificité, c'est qu'en France, on aime bien, alors ça, je peux faire en parler avec certains artistes, on aime bien les gens qui font un seul truc très bien. Non, pas tous. Hein ? Non, mais c'est vrai que tu sais qu'en France on aimait les artistes qui font qu'un truc, par exemple quand Marseillaise quoi, il le fait bien. il fait tout mais mal et ça c'est bien. Non mais c'est vrai. Il a une idée. Voilà, on a oui. Ça fait mort. Voilà. Ça, il le fait bien. Tu sais, mais Judy a l'idée quand il s'est mis à faire du cinéma. Il a fait, oh putain, chanteur qui fait du cinéma quand même. Il a fait du cinéma. Oui. Il a fait un petit peu. Avec Renaud et Depardieu. Une dizaine de films facile. Belle équipe. Il a pas fait une série. Il a fait une série aussi où il était publicité. C'est de la merde. J'avais juste. Ah, c'est de la merde. Ah, il a joué dans l'aventure, c'est l'aventure. Là où le film où il a rencontré Nathalie Baye qui s'appelait Notre Histoire. Moi j'admire d'un sujet qui parle de la bière de finir par parler de Johnny Hallyday. C'est vrai, tu vois. Ouais, donc reviens à ton histoire de bière. Et si tu veux, on est bien en France qu'un artiste il fait qu'un truc, tu vois. Alors il est que chanteur, il est que comédien, il est que ça. Et ça s'étend un peu à tout. Du coup, on se retrouve avec par exemple des terroirs, on fait là ils font que du rouge. C'est très bien, là ils font que du blanc, et c'est très bien, comme en Alsace par exemple. C'est du blanc, c'est... Et du coup, on se retrouve avec des terroirs, et ça c'est vrai qu'avec la bière, c'est un truc qui est gommé et c'est chouette. C'est que. Tout le monde voilà, on a un terroir à côté qui s'appelle le Gaillac, sauf qu'à Gaillac, il n'y a pas de spécificité. Les mecs, ils sont yolo. Tu vois, ouais, les Moscato quand même. Mais voilà, non, mais c'est pas. Quand je vois qu'il y a des bars à Toulouse, des bars à Vin, où il n'y a pas un Gaillac, il n'y a pas un Gaillac parce que. Mais je sais pas. Ah bah à Toulouse c'est considéré comme les pécores, ils en ont rien à faire. Bah voilà, c'est pour ça. Tu sais, alors ils te mettent un Bourgogne, ils te mettent un truc, ils te mettent le Saint-Émilion, ils te mettent le truc connu, tu vois. C'est vrai que, et comme à Gaillac, ils font tout et du coup, c'est un peu rien pour eux, tu vois. Parce que comme tu fais tout, tu fais rien pour eux. Parce qu'ils s'intéressent. Voilà. Parce que leur modèle est pas économique est pas basé sur le fait de faire découvrir aux gens. Voilà, eux, c'est ce qui va les faire survivre, c'est de vendre ce qu'ils considèrent ou ce qui peut être considéré comme la consommation la plus grande parce que c'est aussi la plus connue. C'est vrai qu'il ne faut pas rêver. Quand tu fais de la production locale, tu te mets en danger, tu prends un risque. On est complètement. Alors attention, parce qu'il faut quand même savoir que sur le Houblon, le terroir existe. Oui, non, non, mais voilà. Oui. Voilà. Même dans les styles de belge, de bière, par exemple. Dans les styles de bière. D'ailleurs, il faudra juste rappeler que les Houblons français sont très prisés à tel point qu'on commence à en manquer. C'est ça, oui. Non, bah, pas, on commence à en manquer. On en manque déjà, ils ne partent plus. Parce qu'ils partent à l'étranger. Ils sont achetés sur pied, ils sont même pas récoltés, ils sont déjà achetés. Même pas récoltés, après, ça veut dire que. Par exemple, le Barbe Rouge, qui est un Houblon. Des houblonnières alsaciennes, qui est un prototype de houblon français. Mm-hmm. Barbe Rouge a un goût de fraise et de, on va dire, un peu bonbon. D'accord. Et c'est excellent. Dans une, moi, j'ai eu la chance de boire une saison en Barbe Rouge. Ouais. C'était exceptionnel. Ne cherche pas à en acheter, parce que si tu veux en acheter déjà le sac de 5 kilos, tu vas le payer 250 euros. Alors, il faut savoir qu'un sac de 5 kg de houblon, le prix moyen est entre 80 et 150 euros. D'accord, déjà. Donc, bah en fait, un brasseur amateur n'achète pas en 5 kg. C'est que les professionnels qui achètent en 5 kg. Ouais. Mais Barbe Rouge, il est à 250 euros le kilo parce qu'il n'y en a pas en fait. Donc, ils le vendent au prix qu'ils le veulent, ils s'en battent les couilles. C'est ça. La parce que de toute façon, ils le vendront. La ce qui est rare. Bah après, c'est vrai que moi, quand je sais bien que le terroir ça marchait, mais c'est vrai que dans le vin c'est beaucoup plus marqué. Voilà, c'est beaucoup plus marqué. Bah, c'est vrai t'as qu'on une image. On communique sur le terroir, alors que dans la bière on te dit pas, c'est très rare, à moins que ce soit vraiment fait exprès. Oui, on voilà. Te dit houblon américain, houblon allemand, houblon anglais. Il y a une image aussi. L'exemple c'est que dans le vin tu vas dire j'aime bien les graves, j'aime pas les médocs, j'aime bien les pomerols, j'aime bien les machins. C'est ça. J'aime bien la vinasse. Tu diras jamais le nom. Ah, j'aime bien le citra ou j'aime pas le machin. Ce ou j'aime pas ce houblon là. Ce qui va compter dans la bière quand tu vas parler de l'origine, c'est quand t'as envie de consommer local. C'est dans cette démarche là. C'est-à-dire que tu vas avoir envie de boire une bière locale parce qu'elle est faite à côté de chez toi et que t'as pas envie que ça fasse des kilomètres pour boire ta bière. Oui, voilà, c'est ça. Il y a une démarche de responsabilité c'est aussi. C'est ça. Vis-à-vis, ce sera plus dans cette démarche là que tu déjà, vas. Déjà, tu fais vivre ton tissu social local. C'est ça. Tu préserves un peu ton environnement parce que tu privilégies. Un circuit court, enfin tu mets en œuvre toute une mécanique et c'est ça, participer d'un mouvement citoyen aussi. C'est ça. Ça, c'est une démarche. Oui. C'est une démarche. Dans le vin, moi je suis désolé, quand les mecs ils te vendent les châteaux, leurs bouteilles, leurs cuvées, alors, l'assemblage. Ils vendent pas le château, ils vendent le vin qui sort du château. Non, non, au château, château de la rivière, il a été vendu à un chinois. Ouais. Et puis là, je peux te dire que ça commence à ronfler un peu parce que le mec il commence à vouloir te monter un ponton sur la Dordogne et tout. Donc je te dis pas, la rivière il doit y avoir 250 habitants. Ça commence à parler vermicelle là-bas, ça commence à les gêner. Pardon. C'est non, beau, ah ouais, non, mais c'est ça le truc. Et donc les mecs ils arrivent et ils te disent bah tiens, la production l'année prochaine elle partira directement en Chine. Voilà. Sérieux, mais tu enfin. Tu veux pas plutôt, je sais pas, trouver une autre solution, essaye de développer de l'agriculture, hein, des moyens de faire, pas la même chose, mais quelque chose qui ressemble au goût que vous recherchez chez toi. Oui, mais chez lui, c'est pas ce qu'il cherche. C'est pas ce qu'il cherche. Les terroirs chinois. Voilà, hein. Donc on en est revenu à la question de base, c'est pourquoi on fait du vin. Non, parce que la question de base... La question de base, c'est quoi ta bière que t'aimes en ce moment? Moi j'ai répondu, toi non. Moi je réponds pas parce que je parle de trop. Alors, t'as juste deux mots à dire. Et Azertov il est là pour aiguiller donc. Moi j'aime bien. Voilà. Ça ressemble bien, c'est au moins tu vois, on s'en rappelle. De quoi c'est de bons vœux, bon choix. C'est bon là, bon. Oui, c'est vrai qu'entre temps on a ouvert une. De bons vœux, j'apprécie. C'est vrai j'avais dit que la saison c'était bon. Elle est. L'esprit. L'esprit, tu l'as compris. L'esprit, ouais, elle est vraiment. Les gens m'écoutent pas quand je parle bien, je parle de trop, mais les gens m'écoutent pas. C'est parce que tu parles de trop. Ah d'accord. Dit-il depuis le canapé. Ouais. Bah, j'ai bien envie de encore faire parler Loli, je suis désolé pour toi. Mais, non, mais... Vas-y, je le retiens. Tu es un fervent défenseur de la bière en canette, hein, qui a une image très dégradée. Oui. C'est vrai, oui. D'ailleurs. Alors, je suis un fervent défenseur de la bière en canette pour beaucoup de raisons. Premièrement, parce que la canette, ça se range mieux, ça s'empile bien. Quand vous en avez plein dans votre frigo... Ah, l'aspect pratique, j'adore. Pour le coup, c'est vachement, vachement pratique. Le minimalisme. On dirait mon mec. Alors, il y a aussi le facteur écologique, c'est que l'aluminium se recycle à 100%, alors que le verre se recycle à un peu plus de 90%. Mmh. Voilà, qu'il soit peint ou pas, l'aluminium se recyclera à 100%, puisque les peintures vont brûler, tout simplement. Sur un point de vue isolation de la lumière et de l'air, C'est beaucoup mieux. Hein. Bah, c'est 100% étanche à la lumière et à l'air. Alors que même une bouteille en verre teinté, elle est quand même perméable à une certaine partie de la lumière, même si le verre teinté brun protège énormément de choses. Qui UV. Surtout qu'en termes de protection UV, le mieux c'est le vert. Puis la teinture verte. Le brun est plus courant par contre. Oui, mais le plus efficace c'est le vert. C'est pour ça qu'on ne le retrouve que dans le vin. Mmh. Et à côté, en fait, les capsules, bah, mine de rien, c'est pour eux. Une capsule, c'est pour eux, un bouchon, c'est pour eux. Alors qu'une canette, bah, une fois que c'est scellé, c'est scellé. Il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort. Donc, c'est un point de vue. Il y a aussi un énorme intérêt, c'est que, à volume équivalent, une canette de 33 prend moins de place qu'une bouteille de 33. Ce qui fait que quand vous faites une livraison, vous pouvez livrer plus du produit en même temps. Et même chose, empreinte carbone. Parce que bah, ça va avec. Vis-à-vis de la conductivité thermique, les échanges de température, vous mettez une canette au frigo, elle va être fraîche plus rapidement. Donc voilà. Après, quid... Elle va rester plus longtemps. Ouais. Alors après aussi, quid de la durabilité dans le récipient. Ça, aujourd'hui, on a assez peu de retours sur la canette. Si vous voulez faire comme moi je fais dans la cave, c'est-à-dire faire vieillir des bières, bah, prenez des bouteilles. Vraiment, là-dessus, je serais intransigeant. C'est... La bouteille sera quand même vachement mieux. Et il faut les stocker debout. Voilà. Et voilà, c'est pour ça aussi que je défends la canette. Parce que la canette, c'est pas la bière du... la bière de Clodo, comme certains pourraient dire. Quoi. Bah, on c'est... prend l'image du 8-6. Je suis désolé, mais... Alors que Noé avait quand même su rendre ses lettres de noblesse à la 8-6 dans une très belle tirade ici même. Je suis quand même désolé, mais vous voyez que je n'ai ramené que des IPA en canette. Et c'était des tueries. Ce sont des choses que vous ne verrez jamais en bouteille. Voilà. Enfin, moi, je crois que Loli, avec Loli, on avait parlé dans le Focal, dans le dernier épisode, je crois, on en a parlé. Ouais. De l'intérêt d'avoir des canettes. Ouais. Et tu vois, l'année prochaine, s'il y avait une résolution. Les sont belles. Déjà, c'est très... non, mais ça reste très graphique. Ouais, ça reste c'est une place. Laquelle, là, cet été, que nous avez fait boire toute la collection des canettes, je les aurais gardées. Les Cloudwater. Les Cloudwater. Oh. Ah, c'est Cloudwater. Ouais. Non, ça, c'est un autre problème. Ça. C'est juste les purs génies. Mais je ne parlerai pas de Cloudwater. Et donc, je pense que l'année prochaine, tu vois, s'il y avait juste une chose à changer dans ma manière de consommer, je pense que je me dirigerais vers les canettes. Oh, bah, c'est... J'avais été convaincu comme ça, par Loli, mais je pense que avec le week-end, après avoir goûté, effectivement... Puisqu'il nous avait dit qu'il en amènerait, et quand on te dit, non mais tu vas voir, c'est bon, et qu'il te l'ouvre et il te le sert, et tu fais, oui, non, mais en fait, c'est plus que bon, c'est meilleur que... Plus non, que on n'avait déjà pas de doute, en fait, sur ça. Voilà. Tu fais, bon, bah ok, je pense que je suis convaincu. Et le dernier point, en fait, c'est que les bières que je vous ai ramenées, que je vous partage avec un immense plaisir, ce sont des bières qu'on ne trouve pas partout. Puisque ce sont des bières qui sont souvent importées des États-Unis en peu de quantité, etc., donc il y a ça. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a un intérêt à la canette aussi, c'est que quand vous faites livrer un colis de bière avec que des bouteilles en verre, moi ça m'est arrivé, je vais le dire honnêtement, je passe régulièrement des commandes chez Brewdog pour faire des pleins de fonds de placard en fait, de bière pour du tout venant. Et en fin de compte, je ne passe plus aucune commande avec des bouteilles. Puisque j'ai toujours eu des colis qui arrivent endommagés avec une ou deux, ou même j'ai même été jusqu'à 8 bouteilles de cassé dans un colis. Alors oui, parce que DHL, c'est des branques, de temps en temps, ça arrive. Et c'est pour ça que bah, si vous achetez des canettes, au pire, votre canette, elle sera enfoncée, mais elle sera toujours étanche, elle ne sera pas ouverte, elle ne sera pas cassée. Ouais, rien que ça. Et elle arrivera au bout, au pire, vous aurez un jetard dans la canette. Mais vous pourrez boire votre bière. Et il y aura beaucoup moins de problèmes. Et ne serait-ce que pour ça, pour la solidité du contenant, vous voyez, tout ce que j'ai ramené comme bière là, si j'avais eu que des bouteilles, j'en aurais peut-être pas ramené autant, parce qu'en plus ça aurait été beaucoup plus lourd. Ouais. Donc voilà ma réponse de pourquoi la canette. En plus de la bouteille. Quoi. Boîte à canette, touche tablette. Touche tablette. On touche rendez-vous et on dégueule dans le caniveau. Donc oui, c'est vrai que ouais, la canette, c'est moins... c'est dommage, c'est vrai que... Bah, après, c'est une très mauvaise image. Oui, c'est une très mauvaise image. Après ce que tu nous as fait goûter, moi, si je revois des choses comme ça, la question se pose même pas plus de deux secondes. Et je prends... J'ai toujours entendu que la canette donnait un goût. Mais en fait, c'est faux. C'est absolument faux, mais bon, c'est l'image que l'on a. Mais oui, mais c'est les légendes urbaines. Hein, quoi, pupé? Légendes urbaines. On dit que c'est pareil, il y avait le vin espagnol qui vient d'un citerne, de toute façon. Mais c'est le même problème de la canette que de la boîte de conserve. Pourquoi on accepte de manger des légumes en boîte de conserve ou des sardines en boîte de conserve? Ça n'apporte aucun goût. Pourquoi ça en apporterait, par exemple, sur une boisson? C'est ça. C'est effectivement une image reçue excessivement courante. Moi, j'ai rien contre un foie gras en conserve, hein. Ben hop là. Alors si tu veux. Non, c'est vrai que c'est vrai qu'on commence un petit peu à en boire des de plus en plus en fait des bières en canette, que ce soit dans des magasins spécialisés comme B&B par exemple, la Castaway, c'est la brasserie Yellow Belly, des trucs comme ça, qui a une gamme, et les Flying Dog aussi je crois. Oui. Oui, si vous regardez par exemple toutes les Brewdog que vous pourrez trouver en monoprix sont disponibles en bouteille et en canette. Ah non, on l'achète en canette. Elles sont disponibles aussi en canette de 50. Oui, c'est ça. Moi chez Intermarché, j'ai des bouteilles donc la Jackhammer, la Red Ale, la Punk IPA. La Punk IPA, on la prend en canette de 50. En pinte de 50 aluminium, on a la Indy et la Punk IPA. Bien sûr. Donc ça commence à arriver, on a la Guinness IPA, on a plein de marques qui commencent à revenir à ce format. Chez Monoprix au Havre, si tu achètes de la Brewdog en bouteille, tu auras la Punk et la Dead Pony. Si tu achètes en canette, tu auras la Punk, la Dead Pony, la Elvis Juice et la Green Pin. Tu auras aussi la Indy, si tu veux passer sur de la 50, tu auras la Punk et la Indy. Ah. Nous, on n'en est pas encore là. Mais bon, nous, on fait 7500 habitants. Donc, Non, mais c'est ça, en fait, le truc qui est intéressant. Je pense qu'il n'y a que moi qui prends la Brewdog. Donc, en fin de compte, c'est ça aussi qui est intéressant. Je suis tourné le rayon. Il y a plus de chaînes de grande distribution qui font vous mettre de la canette en rayon. Le problème, c'est que tu vas avoir la canette de 50 de Punk à côté de la Vite 6 et de la Polaner. Voilà. Alors qu'au niveau de la comparaison des produits, on ne mélange pas les torchons et les serviettes, quoi. Ah, mais après, c'est mais en même temps, ça met de la qualité au niveau du tout venant. Oui, oui. Et l'intérêt, c'est que c'est pas beaucoup plus cher. Ah non, c'est carrément déjà pas beaucoup plus cher, non, oui. Ça reste c'est ça qui est intéressant, c'est les différences de prix. On se rend compte qu'entre une 50 de Grolsch et puis une 50 de Punk, on a le même prix, voire un peu moins cher sur la table. Moi, j'ai l'exemple de la Rodenbalk Grand Cru, qui est une Red Ale belge, qui est faite à Roselard. Que je trouve à 2,05€ à Intermarché et qu'on trouve à 2,90€ pour ne pas le citer chez Chut-Chut, pas de marque. Chez Vientune. Voilà, par exemple, c'est une bière que tu as même trouvée à 4,90€ chez Truffaut. Ah oui. Dans une jardinerie. Donc tu vois le truc, quand tu sais pas ça. Bah ouais, mais. Tu te fais honte. Bah après, chaque magasin dégoûte ses prix. Alors attention aussi, ils ont pas les mêmes volumes, pas les mêmes intermédiaires. Les tarifs CAF, les grandes distributions, ça n'a jamais été le. Prends Auchan, sur Bordeaux, tu prends Auchan-Lac, il y a un des plus grands centres commerciaux d'Aquitaine. Enfin, ils ont un rayon bière, mon gars, qui doit faire 20 mètres. Et sur 20 mètres, tu mets des rayonnages qui montent jusqu'à 2 mètres. Tu comptes les gondoles espacées de 40 cm, vois le nombre de rayons que ça te fait. Et il y a sur une étagère, c'est allez, 2 bouteilles de largeur maximum sur toute la profondeur. Ouais. Donc ça te laisse à peu près voir la taille de l'échantillon qu'ils ont. Quoi. Et tu trouves de la Goose Island, tu trouves de la Camden, tu trouves de la East, je sais plus. Il y a l'intérêt d'avoir aussi les bières belges à pas vraiment pas cher. Ouais, les Chimay. Mais si vous voulez vous faire plaisir, vous achetez des grandes bouteilles de Chimay, vous les mettez au fond de votre cave, vous les oubliez pendant 2 ou 3 ans, puis vous verrez qu'elles sont encore meilleures. Ben, moi j'ai des Chimay 2018. Alors que la Chimay bleue, ça coûte rien. Ouais, ça coûte rien. Ça. Achetez plutôt des grandes bouteilles plutôt que des 33, ça vieillit mieux. Ah ouais ? Ouais. Comme pour le vin ? Bah, plus le volume est gros, mieux ça vieillit. Pour le coup, c'est assez vrai. C'est quoi qui fait ça ? C'est la densité ? C'est la répartition des... Bah, je pense que c'est la répartition dans le volume, vraiment. Mais une 75... Faut en profiter aussi, des fois, il y a des grosses promos sur les Chimay au moment des fêtes de la bière. Moi, j'avais bénéficié de ça, c'était 2 achetés, la 3e offerte. Bah là, tu remplis ta cave et puis tu les oublies. Hein. Ouais. Ouais. D'ailleurs, je crois qu'on a une chimée grand cru qui nous reste à ouvrir aussi. C'est vrai? Oui, j'en ai amené une. On a une chimée grand cru de 2010. Elle est là à côté. Elle est là. Ah, on va peut-être attaquer le brutal après. Si, si j'ai l'accord. On pourra. Ah, il y a du brutal après. Je pense qu'on va pas tarder. Et Azertop, ouais, ouais, ouais, ouais, tu nous as dit sur quoi t'étais en ce moment sur les. Moi non plus, je l'ai pas dit, mais c'est bien. Non, mais toi, t'es chiant. De toute façon, on va y revenir, t'inquiète pas. Bah, en ce moment, j'ai pris le calendrier de l'Avent chez VNB, donc j'ai un petit peu de tout dedans. Ouais. Vraiment, ouais. Un petit peu tout, des trucs que j'ai déjà vu et que c'est pas ouf. Mais, c'est l'avantage et l'inconvénient du calendrier, c'est que t'as un petit peu de tout. Moi, j'ai failli en prendre un calendrier de l'Avent. Je vais prendre le Mikeller. Ah, et j'ai failli prendre le Elite de chez Honnesbro. Mais je l'ai pas pris parce que à 120 livres, moi, je l'ai pas pris. Ah oui. Parce que comme son nom l'indique, c'est l'Elite. Parce que ça avait l'air d'être très bon par contre. Ouais. En ce moment, non, mais je vais rester quand même à ma sélection du Focol. Ça va être la Carland Malte Tourbeil. Que j'ai pas pu en prendre. Ah, elle est bien. J'en avais pas. Elle est bien. À ah, elle est chouette, chouette. Et mais c'est vraiment un coup de cœur parce que c'est. Bah, t'as le bout de la tourbe. Mm. Qui te donne un plus, ça va être ça ma bière du moment. Ouais. Moi j'aime pas la bière. J'ai toujours détesté. J'aime pas la bière, c'est la bière. Ouais, c'est vrai que c'est la bière. Moi je dois avouer que j'ai été plutôt séduit par l'offre de la brasserie Sainte-Cécile d'Albi. On a goûté, alors moi j'avais pris la Stout, c'est ça. Mm-hmm. Et toi tu avais pris la Red Ale, c'est la ça Red Ale, ouais. Et ma foi, c'était bien. Donc je vais y relaisser un gros bénéfice du doute la prochaine fois. Là, visiblement, VNB d'Albi, c'était un peu pied. Mais purée. C'était un peu la dèche. En une semaine, à l'époque, ils se sont fait dévaliser. Ils se sont fait dévaliser. Ben, il y avait du Yamasaki, il y avait du Nikadouza, il n'y avait plus rien. C'est-à-dire que le temps que je réfléchisse, est-ce que je vais larguer 80 euros? Bon, ben la question ne doit plus se poser. C'est ça, quelqu'un qui a décidé pour moi, tu vois, c'est peut-être pas plus mal. Il y avait du The Cheetah aussi encore. Ah oui il y avait des beaux produits et la question n'a pas eu à se poser longtemps, il n'y avait plus rien. Et il y a là, bien évidemment, la Mikeller aussi qu'on va tester, je pense, la Mikeller avec. Mikeller Lindemann, ouais. Ah. Au basilic qui nous fait de l'œil. On l'a pas pris encore, mais comme personne. Prochain, on va la prendre. Ouais, parce qu'on en a discuté hier soir avec Loli. Mais justement, jeudi prochain, on va une soirée 20. On va avoir une soirée 20, tu vois. Donc justement, on va un petit peu chez le patron de VNB de Castres nous en a parlé aussi. C'est lui qui m'en a parlé. Avec une assiette tomate mozzarella et une assiette de pâte en plat. Ce que j'avais offert à Flag. Ce que tu m'avais dit. Quand je suis descendu à Grenoble voir madame. C'était quoi que t'avais offert? J'avais fait goûter la Mikeller Lindemann's Spontan Basil. Ah, j'avais pas goûté celle-ci. Non. Mais ouais, j'étais bien séduit par le propos, donc je pense que oui, ça va être pris. Voilà, c'est la morceau que j'ai découvert et qui est marrant d'être découvert. Je trouve vraiment il y a du potentiel. Donc voilà, c'était tout pour moi. Donc, je pense qu'on a fait une belle discussion. On a fait un beau crossover. Tu t'es pas fait chier, hein. Mais j'ai jamais dit que je me fais chier. On aurait dit du pépé. Ouais, faire travailler les invités. C'est vrai que tu le fais avec brio. Et voilà. Ben, ça va être l'heure de conclure ce premier épisode. Ah, ma tablette qui a décidé de s'éteindre pour l'instant. C'est pas grave, de toute façon, c'est la fin de l'émission. Ouais. Donc on va pouvoir remercier tout le monde d'être venu. Ah, puisque tout le monde. On va pouvoir faire une petite pause, nous, de notre côté. Dormir. Pour aller aux toilettes, hein, chacun à notre tour. Tous en même temps. On croisait pas les fûts. On va pouvoir lancer une petite musique de fin d'émission pour se dire au revoir. En ce temps-là, Jésus dit à Matthieu, descends du train et gonfle les pneus. Et laquelle chante. Et bien, bien sûr, qui dit musique d'assaut dit truc japonais. peut-être que vous connaissez Kizuna Ai, une youtubeuse virtuelle. Effectivement. Voilà, qui s'est lancée récemment dans la musique. Et donc, je vous propose Atsudemi Kui. Le morceau New World de Kizuna Ai. Salut! れているの宇宙の秘密いた人